Amis gamers, amis gameuses, bonjour, c'est La Gueulante, troisième épisode. Aujourd'hui, on va parler streaming, on va parler let's play, on va parler de tous ces gens qui aiment rester pendant des heures le cul assis dans leur chaise à regarder d'autres jouer à leur place. Et pour parler de tout ça, on a fait venir des professionnels et un amateur. Barbu, comment vas-tu ? C'est qui l'amateur ? Bonjour ! Je ne suis point un amateur. Enfin, je crois, je pense. Comment ça va ? Merci. Un spectateur, un amateur-spectateur, un spectamateur. Un spectamateur, voilà. Je suis très fan de mots... De mots copiés, collés, de mots rallongés. De néologismes, de barbarismes, de conneriisme, de... Je n'en sais rien, bref. Bref, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Oui, ah oui, donc Barbu, cette douce voix, sans accent aujourd'hui. Non, on m'a interdit d'accent. Voilà. Non, c'est pas vrai. Ah, tu t'es interdit tout seul. Non, mais tu vas t'interdire tout seul, par contre. Ah merde, Crody. D'accord. Voilà, donc Barbu... Bonjour à tous. Merci Barbu, encore de m'avoir invité ce soir. Identité secrète, super Barbu, à l'époque de Génération Vidéo, autre podcast publié par notre chère association. Qui doit encore se trouver sur Internet, sûrement. À la droite du Barbu, nous avons Thierry. Comment vas-tu ? Salut Seb, bonsoir à tous. Écoute, ça va super. Super heureux de te retrouver, vu que ça fait longtemps qu'on avait plus fait d'émission depuis Génération Vidéo, lorsque j'étais animateur intérim. De temps en temps, j'intervenais pour vous remplacer quand il manquait quelqu'un. Et c'est moi, donc du coup. Ouais, t'es tous intérim sur Radio Osmose. T'es toutes les émissions culture jeunesse, le mercredi. On s'invitait les gens chez les uns. T'es tous intérim les uns des autres. Voilà. Je me souviens que Génération Vidéo, on faisait des émissions d'une heure et demie, deux heures quand l'émission d'après. Ah, j'ai oublié son prénom, aidez-moi. Clem, voilà. Quand Clem bouffait son créneau à sa place. Pas que son créneau, aussi son sandwich de temps en temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de la radio, en fait, Thierry dormait dans le placard. Et au moment où on lançait l'émission, il ouvrait juste le placard en disant « Vous avez besoin de moi ? Non. Ah bon, je m'en rendors. Voilà. » Oh, mon Dieu. J'attendais patiemment. Et c'est ainsi qu'on fit une réputation. À la droite de Thierry, nous avons Roméo alias Trunks le Panda. Comment vas-tu ? Eh bien, salut à tous. Donc voilà, je me présente, je suis Roméo et je fais des vidéos sur YouTube, du let's play, un peu de streaming. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors je fais une petite parenthèse, aujourd'hui il n'y a pas vraiment de thématique musicale, du coup j'ai fait une playlist à l'arrache. J'espère que vous me pardonnerez, mais il y a des choses très bien hein, quand même. D'accord. Là on entend The Sense of Me de Mudflow, c'est la BO de Life is Strange. Oh, hein, très bonne BO la fille. Vivement la saison 2. Pas dégueulasse comme jeu. Mmh. Eh oui, bientôt d'ailleurs, il y a une annonce aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, il y a une annonce. Pas forcément mon délire de jeu, mais la BO est très très bien. Ah ouais, la BO. Ah non, j'ai confondu avec Stranger Things, excuse-moi, c'est pour ça que je parlais de saison 2. Stranger Things, totalement ouais, paumé le mec. Totalement autre chose effectivement. Donc on va parler streaming, let's play. J'avais donc pour idée d'appeler le podcast streaming virgule let's play 2. Le jeu vidéo spectacle. Mais je trouvais que ça faisait un peu BuzzFeed putaclic. Moi, donc finalement peut-être pas le faire. Je ne sais pas, voilà. Je trouve pas ça si putaclic. Tu devrais marquer en commentaire. Regardez ce qui se passe dans la vidéo. Ah oui. Surtout à 15:07. Nous avons invité deux youtubeurs. Le troisième va vous étonner. une araignée va sortir de son oreille. Donc le streaming, le let's play, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des gens qui jouent à des jeux vidéo, soit en live dans le cadre du streaming, avec des réactions, avec la possibilité d'avoir des réactions de la part de leur public, soit en différé dans le cadre du let's play. Le let's play étant encore un format bien particulier qui en général consiste à jouer un jeu, un peu comme quand on y jouerait, c'est-à-dire en coupant quand même un minimum de choses. J'imagine que l'idée c'est de rendre les choses plutôt dynamiques. Mais en général, on essaye de garder suffisamment intacte l'expérience de jeu originale. Et pourquoi on a voulu vous parler de tout ça ? Eh bien parce que moi je ne suis pas spécialement consommateur de ces choses-là, mais pour autant, autant le streaming que les espèces sont des choses qui sont extrêmement à la mode, avec des modèles économiques derrière. Ça ne vous aura peut-être pas échappé des têtes d'affiches qui vous sont parfois présentées par les grands médias avec des chiffres à plusieurs zéros, plusieurs milliers, millions, milliards de dollars, d'euros, de je ne sais quoi, laissant supposer que ces gens-là gagnent très bien leur vie, ce qui est peut-être ils sont vrai, quatre peut-être à gagner pas. Ça il me semble aussi voilà. Hein, mais bon bref. Voilà, et donc à la fois l'effet de mode et à la fois une certaine incompréhension de ma part, principalement parce que c'est pas trop mon délire, j'arrive pas trop à accrocher, et à la fois je comprends pas forcément le pourquoi du comment, mais on va en parler, et peut-être probablement que vous allez me convaincre. Voilà, donc on a invité nos deux amis youtubeurs, Roméo et Thierry, et Barbu pour l'autre côté du miroir, n'est-ce pas, l'aspect spectateur. Bien de l'autre côté du miroir. Mais oui, moi je suis un simple spectateur. Et je pense que YouTube, tout ça, en fait, c'est pas de notre génération, tout simplement. Mmh. C'est comme nos parents avec Internet, c'est pas notre génération. Oui. Ah, ouais, YouTube un petit peu. Après, je sais pas si c'est vraiment une question de génération. Enfin, moi, je suis aussi un gros spectateur, en tout cas, de Let's Play. Avant de faire des vidéos, je suis avant tout un gros spectateur. Mais je sais que je connais des gens de toute génération qui en regardent. Mais c'est vrai que, on va dire, peut-être le début de commencer à regarder un jeu plutôt que d'y jouer, c'est vrai que ça vient peut-être pas forcément naturellement. Mais on le faisait déjà avant, ça. Ouais. Bien avant que Let's Play existe. Oui, quand on était petit, y avait Marcus, on avait le Level One. Il y avait même bien avant ça. Oui. Quand on était petit, on allait jouer chez le cousin, le frère, machin. Oui, on regardait le jouer. Regardait. Donc le Let's Play existait déjà bien avant. Allez, n'allons pas trop au cœur du sujet. On va essayer de diluer oui, ça. Oui, pour dire que. Et comme d'habitude, on va commencer par un tour de table. Et on va commencer surtout par nos invités. Je vais vous laisser vous présenter, nous parler un petit peu de votre expérience, de votre parcours en tant que joueur et surtout de ce qui vous a amené. Un jour à vous dire aujourd'hui je vais arrêter de simplement jouer, je vais passer du côté des créatifs, et comme d'habitude je ne prendrai aucune décision quant à la personne qui prendra la parole. Je vous laisse donc vous décider. À toi l'honneur, Roméo. Très bien, donc en tant que joueur, moi j'ai commencé assez tard, je pense, par rapport à certains, tout simplement parce que c'était pas trop autorisé chez moi les jeux vidéo par ma mère, qui avait un peu peur de ce média quand j'étais petit, voilà ce genre de choses. Et j'ai dû, à l'époque où il y a la PlayStation 2 qui sortait, alors j'ai joué bien avant, je jouais à la PS1, à la Mega Drive, chez des amis, de la famille, tout ça, mais à l'époque où j'avais pas de console chez moi, mon père m'avait acheté une Game Boy, c'était ma première console. Mais après, la première console de salon, pour moi, c'était la PlayStation 2. Et quand elle est sortie, j'ai dû supplier ma mère pendant 2 mois d'avoir le droit de me l'acheter avec mon argent. Voilà, c'était... Et du coup, ça c'est resté ma console de prédilection pendant des années. C'est toujours ma console de cœur, je pense. Et après, pendant longtemps, j'ai voulu commencer à faire des vidéos, mais j'ai pas forcément pu pour des raisons de matériel, pour des raisons d'expérience. Mais c'est vrai que toujours envie de montrer des jeux que pas forcément tout le monde connaît, des jeux qu'on aime et qu'on a envie de partager. Et en fait, j'ai commencé au tout début parce que j'avais un serveur Minecraft avec des copains. On jouait, on était une petite vingtaine de personnes dans la communauté. Et on s'est dit, tiens, si on faisait une petite chaîne YouTube communautaire pour tous faire des vidéos, les admins, les modos sur cette chaîne YouTube, et faire en même temps un petit peu de publicité pour le serveur, ça pourrait être sympa pour ramener des gens. Et en fait, on a tous commencé à faire un petit peu des vidéos, donc si on remonte au tout début de ma chaîne YouTube, on voit un peu des vidéos qui sont pas du tout de moi, où je suis pas dedans, où c'est juste des collègues à moi qui ont fait des vidéos aussi sur la chaîne. Et au final, ils se sont retrouvés qu'il y en a un qui avait plus le temps à cause des études, il y en a un qui avait trop de problèmes avec son ordi, donc c'était compliqué, etc., etc. Et je me suis retrouvé à faire des vidéos tout seul sur la chaîne, donc je me la suis appropriée, je l'ai renommée avec mon pseudo, avec l'accord des autres, bien entendu. Mais j'ai quand même pas perdu cette habitude, c'est-à-dire que je fais pas mal de vidéos seul sur ma chaîne, mais très régulièrement j'invite des copains pour faire des vidéos parce que je trouve ça toujours très cool de faire des vidéos avec d'autres personnes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, alors il y a beaucoup de gens qui font des vidéos à plusieurs sur YouTube, et il y a très peu de gens qui font des vidéos à plusieurs dans la même salle en se filmant tous les deux avec les réactions qui sont du coup en direct. Et ça, on est quand même relativement peu à le faire. Oui, ça peut te rassurer, c'est la même chose pour les podcasts. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas la peine, non, parce que ce serait un jugement, mais c'est pas le cas, mais qui, pour des raisons géographiques, peuvent difficilement se réunir. Et il y a des podcasts de très bonne qualité qui, malheureusement, sont un tout petit peu plombés par le fait que ça se fait via Skype. Ouais. Et que du coup, ça s'entend un peu. Tout le monde n'a pas la même qualité de micro, il y a des latences. Tout le monde n'a pas la même qualité de connexion internet. Voilà, c'est ça aussi. Malheureusement, et celui dans un podcast fait par 5 ou 6 intervenants qui sont sur Skype, il y en a toujours un qui est un peu au fond de la cambrousse là, et c'est la connexion qui pète au milieu. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est toujours. On est clairement fervent partisan de ça, d'être toujours, de se réunir, d'être ensemble, même juste pour faire de l'audio. Oui. Parce qu'il y a un côté convivial qui je pense se ressent un petit peu. Et qui est différent. Ouais. C'est franchement les vidéos. C'est pas du tout la même façon de faire. Enfin, en tout cas, en podcast, je sais pas, parce que c'est vrai que j'ai pas eu cette expérience là. Et moi, je sais qu'en vidéo, c'est vraiment différent d'être tous les deux du même côté de l'écran. Que d'être interposé, et ça permet de faire d'autres choses, ça permet de mettre une webcam et d'avoir les réactions des deux personnes, ce qui n'est pas forcément possible. Alors ça serait très compliqué en termes de montage, et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà. à toi peut-être. Oui, bah du coup, oui, pour ce qui est de mon expérience dans le jeu vidéo, bah ma toute première console c'était une Saturn, donc je devais être malheureusement je ne me rappelle plus trop. Je me souviens de certains jeux, mais pour parler du let's play, c'est très récent. C'est vrai que c'est Roméo qui m'a donné envie de me lancer dans cette aventure. Je connaissais déjà un petit peu le let's play. Mais je n'étais pas non plus j'étais un simple spectateur et je m'étais jamais dit un jour tiens je vais me lancer là-dessus. Et c'est en regardant les vidéos de mon ami Trunks le Panda du coup que je me suis dit tiens et pourquoi pas tenter l'expérience, puisque j'avais déjà une chaîne YouTube. Seulement je ne faisais pas des let's play, je faisais des vidéos des 2 minutes du peuple. Par le simple des vidéos de très grande qualité. je dis pas du tout ça pour être corporel, moi j'adore tes vidéos. C'est gentil. Je suis fan de François Pérusse et j'aime beaucoup ce côté détournement redoublé. C'est moi aussi, je suis tellement fan. C'est le fait de faire du lip sync, c'est-à-dire de faire du playback sur les vidéos, de mettre en scène les sketchs audio. Bon, c'est vrai que depuis j'en ai plus fait et maintenant j'ai encore plus de matos, donc je pourrais faire des vidéos de meilleure qualité par rapport à autrefois, mais du coup voilà, je m'étais dit tiens je vais tenter cette expérience. Et ouais, c'est Roméo qui m'a donné un petit peu l'envie et l'idée de faire ça, quoi. J'ai hâte de voir le mec qui va faire du redoublage des 2 minutes du peuple avec des caméras cinéma et tout, genre, la RED et tout, le truc trop bien filmé. Panasonic AGAC90, quoi. Et puis tu disais que ça t'a donné l'envie en regardant les vidéos, mais peut-être aussi en y participant, parce que c'est vrai que tu as participé quand même. Ouais, justement, et c'est vrai qu'au tout début, on a un peu peur aussi de se lancer là-dessus. On a peur d'être face au micro. Encore face au micro, ça va, parce que quand on faisait justement Osmose Radio, j'étais un petit peu habitué à ça, mais quand tu as en plus de cela la caméra, que voilà, et tu es tout seul en plus. T'es tout seul, t'as peur de dire des bêtises. Alors, quand je faisais les premiers let's play, je me reprenais plusieurs fois, ne serait-ce que pour l'intro, je bafouillais un peu, je vais me reprendre. Voilà, donc c'est un truc au tout début, t'es complètement la ramasse, puis après, ça s'améliore au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Non, mais t'inquiète pas, ça, même les gens qui ont 2 millions d'abonnés, des fois ils se reprennent 10 fois pour l'intro, ça arrive vraiment à tout le monde. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on commence, on est un peu là, on va faire ça, et pas très très à l'aise. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui vient avec le temps et qui se ressent de plus en plus. Moi, quand je regarde les vidéos d'il y a 2-3 ans, je fais oh là là, j'ai pas envie, j'aimerais bien les supprimer. Voilà. Ah, c'est pas un exercice évident. Hein. Ouais, non, c'est vraiment pas facile. Et c'est en le faisant au fur et à mesure. Et le stream, c'est encore autre chose. Parce que du coup, on n'a pas ce truc des coupes. C'est-à-dire que si on se trompe, on dit une connerie, ou si on a un blanc, ou on est un peu fatigué, on peut pas couper pendant 20 minutes. Ouais. On est très concentré. Et moi, je sais que quand je fais des streams, alors j'en fais pas souvent, j'en fais plutôt une fois par semaine, mais souvent ça dure 4-5 heures. Et du coup, c'est très très fatigant. Et en fait, le truc qui te redonne de l'énergie, qui te donne quelque chose à dire des fois quand t'as pas forcément l'idée, c'est le chat en fait. Les gens réagissent par rapport à ce que tu fais, et là du coup ça fait rebondir sur des sujets, sur d'autres choses, et c'est ça qui te permet de tenir en fait. Et ouais, faut être endurant en fait pour faire des streams, parce que durer pendant 4 heures, et en plus tu dois gérer donc le jeu, ce que tu dis, le chat, et éventuellement certains points que tu souhaites évoquer. Donc ouais, c'est pas de tout repos quoi. C'est encore un autre exercice du coup. On y reviendra un petit peu donc aux particularités du streaming spécialement. On va continuer ce tour de table avec Barbu. Donc toi aujourd'hui tu es le quota de spectateurs. Je représente tous les spectateurs de France, du monde et de l'univers. Fais très attention à ce que tu dis. C'est le 1%. Je sais pas si j'aurais confié cette tâche à ce jeune homme. Tout de suite. Tu es Bob le plombier, mais pour le streaming. Barbu le plombier. Bonjour, je viens vous réparer la tuyauterie. Alors raconte-nous un petit peu, donc après avoir comment je suis tombé joué dedans à Resident Evil et... Alors juste, après avoir fait 10 ans de World of Warcraft, ça te coûte 13 euros par mois. J'avais oublié ton gros parcours au sein des MMO. Gros joueur de MMO, surtout de WoW. T'as toutes les addictions du monde, toi. Tu regardes des let's play, tu joues MMO. Je compense, je joue à Hearthstone. Faut vraiment pas que tu tombes sur un journaliste de TF1 un jour, sinon... C'est déjà fait. Le mec, il fait un dossier de 4 pages. C'est déjà fait. Non, en fait, je suis tombé il y a 5-6 ans. J'ai commencé à regarder... des vidéos sur YouTube, pardon, j'allais dire l'autre, mais c'est... L'autre, il a rien inventé, l'autre. Voilà, donc, moi, j'ai je suis quelqu'un qui, voilà, si je suis bloqué dans un jeu, je me démerde, ou si j'ai envie de découvrir un jeu, je regarde la jaquette. Voilà, tout simplement. Je vais pas regarder à droite et à gauche les notes ou les trucs comme ça, ce que beaucoup font maintenant. Mais les vidéos que je regarde depuis 5-6 ans, en fait, c'est plus pour passer le temps, on va dire. Je suis pas 24h sur 24 dessus. Je regarde quand je, juste avant d'aller me coucher, oui, aux toilettes, mmh, au boulot, parce que je me fais chier. patron, si vous écoutez, bah, c'est pas grave. De toute façon, ils me connaissent pas. Et voilà, tout simplement, quoi. Mmh. C'est, je regarde ça juste pour passer le temps. Je trouve des trucs intéressants, surtout au niveau de Hearthstone. Que j'apprends beaucoup de choses sur la chaîne Arma TV. C'est la nouvelle chaîne française d'Hearthstone. Je regarde beaucoup Best Marmotte et Torque, qui sont de très grands joueurs français. Que s'ils nous écoutent, bien, bien le bonjour. Franchement, le let's play, j'adhère et j'adhère pas, en fait. Toi, c'est un peu comme le scotch double face, quoi. Un coup ça colle et un coup ça colle pas. Un peu quoi, comme ça, les poils en téflon, non ? Voilà, exactement. Mais sans plus, quoi. C'est-à-dire, t'adhères pas, c'est-à-dire ça dépend du youtubeur, ça dépend du jeu. Ça dépend surtout du youtubeur, bien sûr. Voilà, c'est pas pour le balancer, mais monsieur, quand je l'ai connu, regardait beaucoup de vidéos de Squeezie, quand même. Je ne connaissais pas. Je connaissais pas ce. Ah, attends, stop. Pour ma défense, hein, parce que je n'ai point d'avocat. Pour ma défense, je regardais parce que ce gamin me fait rire. M'a fait rire, on va dire. Parce qu'au début, il faisait rire. Ah oui, non, mais en fait, je ne sais pas. J'ai pas dû le voir au début. Moi, au début, il me faisait rire. Maintenant, je le vois, c'est une tête à claque. Le mec, j'ai envie de l'encastrer dans un mur, quoi. En fait, désolé. Moi, j'apprécie pas spécialement Squeezie puisque son humour m'a jamais fait rire, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait très bien. Il l'a toujours très bien fait. Et ça, je le reconnais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ce qu'il fait en termes d'énergie, surtout. Il a vraiment la patate. Et parce qu'il est, enfin, c'est parce qu'il est jeune. Après, la moyenne d'âge, on tourne autour de 30 ans, 28, 30 ans, voilà. Il y a 5-6 ans, j'avais 23, 24 ans, il me semble, si j'ai toujours compté. Donc du coup, ça a adhéré, parce que ce gamin avait quoi, 18, 19 ans quand il a commencé. Donc, du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il a des choses à... C'est intéressant ce qu'il dit, il nous montre des jeux qui sont pas forcément connus, comme toi. Mais voilà, et au fur et à mesure des années qui ont passé, je me suis complètement décroché de cette personne, et j'ai atterri sur d'autres, d'autres personnes qui font du jeu sans montrer leur tête. Il y en a qui n'assument pas, comme tu as dit, devant les caméras, il y en a qui n'assument pas. Ou même qui n'ont pas envie ou pas le besoin, qui sont pas forcément nécessaires. Par manque de matériel aussi. Ou manquement de... Voilà, ou puis même des fois c'est mieux, hein, ça dépend vraiment des jeux, ça dépend du youtubeur. Ça dépend du jeu, oui, c'est vrai. Mais au fur et à mesure des années, j'ai constaté une évolution. C'est-à-dire que... Maintenant, quand tu dis tout le monde veut être youtubeur. Moi, le premier, j'ai voulu être youtubeur, mais j'ai laissé tomber par manque de matériel, de sous, d'argent. Je me suis concentré plus sur mon boulot dans la vraie vie. Il y en a qui ont osé, c'est bien. Il y en a qui se sont crachés, ils ont mis beaucoup d'argent dedans, etc. Ils se sont crachés, mais il y en a qui ont réussi. Tant mieux pour leur part. Et comme pour revenir tout à l'heure, en fait, c'est surtout à la tête. Je sais pas, quelqu'un qui va parler d'un super jeu mais qui est moche, pourtant il ne va pas marcher. Ah, le délire de marcher. Et parce que malheureusement, non, c'est notre société qui veut ça. Je pense que c'est vrai. Voilà. C'est de la vidéo. Oui, après, tout le monde, tous les youtubeurs montrent clairement à l'image. Fais un test. Demain, tu fais une vidéo, t'es déguisé en clown. Déjà, tous les clownophobes, tu les perds. Bah, je sais pas, en fait, je pense pas que ce soit vraiment une question de tête, je pense que c'est surtout une question de voix et d'énergie, hein, pour le coup. Parce que c'est vrai que si t'as une super voix, une bonne énergie, enfin tu vois, l'humour aussi, ça dépend des gens. Et c'est vrai que je pense surtout que le mec qui zozote à donf ou qui a un peu du mal à s'exprimer, il aura plus de mal que... Parce que du coup, c'est vrai que sur le let's play, déjà, la webcam, t'es pas obligé. Et il y en a qui préfèrent pas, et c'est pas plus mal. Par exemple, je regarde pas mal les vidéos d'un mec qui s'appelle Mr. B-Boy, qui a une patate d'enfer, qui balance des vannes, il parle comme un thug, le mec il me régale, tu vois. Et il met pas la webcam, personne ne sait quelle tête il a, il veut pas montrer sa tête. Oui. Mais c'est vraiment un choix. Et par contre, quand tu regardes ses vidéos, tu t'ennuies pas une seconde, quoi. C'est à part quand il est malade et qu'il a 52 fièvres, mais sinon tu t'ennuies. En fait, disons que ça dépend de ce que tu recherches quand tu regardes un let's play. C'est vrai que quand je compare Squeezie à toi, justement, moi je préfère justement tes let's play à toi, parce que je trouve que tu es beaucoup plus naturel, tu es beaucoup plus posé, tu poses les choses, moi j'ai toujours préféré ce genre de let's play, même si des fois voilà, t'es dynamique, on rigole, ou tu prends peur quand tu joues à des jeux de peur. Mais, c'est vrai, ta fiole. Et encore, il y a certains let's players, tu les vois, ça se voit qu'ils exagèrent le cri. Tu vois que c'est construit en fait, c'est comment on appelle ça, surjoué, totalement quoi. J'ai vu des sur YouTube, j'ai vu beaucoup de vidéos où les mecs, tu les vois crier, mais comme des tafioles, je te dis. Non, c'est pas un vrai cri, tu vois. Pas un vrai cri. Parce qu'on a eu des vrais... lors de certains événements avec un certain jeu d'horreur, avec le VR, le HTC, tout ça, quand le mec criait, tu sentais que ça venait des tripes quoi. Et quand tu compares à ça, tu te dis mais en fait le mec il a travaillé 3 heures avant pour avoir le cri parfait. Moi j'ai déjà vu ça par exemple, il y a un youtubeur qui avant faisait du Minecraft et après n'a fait plus que des jeux d'horreur qui s'appelait Kigar 69, et c'est vrai qu'au début il avait vraiment la trouille, et sur ses premiers tu vois qu'il avait vraiment peur et ça faisait vraiment de lui, tu vois, genre. Et plus il en a fait, c'est vrai qu'à force d'en faire beaucoup, il avait de moins en moins peur sur les jeux, et c'est vrai qu'après il surjouait pour le spectacle quoi, ça c'est clair. Et moi je sais que je suis terrifié, je regarde aucun film d'horreur, et les jeux d'horreur je déteste ça, et quand j'en fais en général j'en fais qu'en live en fait, parce que les gens ils m'en réclament juste parce que moi je... parce qu'ils aiment te voir avoir peur. Je suis grand, j'ai une grosse barbe et je crie comme une petite fille, tu vois, donc c'est super rigolo quoi. Moi je suis un peu un amaniel du jeu d'horreur. Alors amaniel c'est amateur professionnel, c'est d'accord. La fusion amaniel du jeu d'horreur, c'est à dire que ça me fait plus peur. Oui. En fait, sauf que la dernière fois, je jouais à Doom 3. Et c'est juste que j'étais tellement concentré sur le PC que madame est arrivée derrière, quick, dans les côtes, et j'ai fait un bond comme ça sur la chaise. Mais en fait, les jeux d'horreur ne me font plus peur du tout. Ouais. Donc, je suis pas devenu insensible, même les films d'horreur, tout ça. Bon, je suis devenu totalement insensible en fait. Et je ne sais pas c'est quoi avoir peur devant un jeu d'horreur. Ah ouais, non, bah je t'envie. Parce que moi en fait vraiment le pire pour moi c'est les screamers et les ambiances sonores à la Slender, ce genre de choses. Je suis du genre à hurler, à faire voler le casque et à tomber de la chaise en arrière. Slender c'est le mec en costume tout blanc là. Ouais. L'enleveur d'enfants. Oui c'est bon, je vois qui c'est. Ouais. Je sais pas, à voir. Moi le jour où un jeu me fera peur, je vous payerai un saucisson, tiens. Ouais, il me semble que clairement le genre horreur il est presque taillé pour ça. Ah oui, carrément. Moi j'ai vu beaucoup de trucs passer dans cette catégorie là. Parce que par définition c'est un genre qui offre du spectacle. Ah oui, énormément. Qui prête aux réactions énormément. Donc comme vous le disiez, il y a presque un petit peu de surjeu même par moment. On se demande s'il n'y en a pas qui se forcent un peu, et peut-être qu'ils se forcent à jouer à ça parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de bonnes réactions, ou qu'ils se forcent justement à offrir du spectacle parce qu'ils savent que c'est ce que leur spectateur après attend. Des fois il y a aussi la communauté quoi. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, tu vois, genre ils en font un. Et puis en fait, ça a tellement de succès sur leur chaîne, il y a tout le monde qui fait « Ouais, refais la suite, refais-en !» et tout. Et le mec, ça motive, tu vois, en même temps. Il y a tellement tout le monde qui est chaud sur sa chaîne que du coup, même s'il n'aime pas ça, mais il va se forcer, il va refaire un, quoi. Les spectateurs sont sadiques, en fait. Voilà, c'est ça. Ils se nourrissent de ta peur. Exactement. Non, t'es pas d'accord avec moi, ça? Oui. C'est un peu le côté voyeurisme, je pense que qu'on a tous. C'est comme à l'époque chez les Romains avec les gladiateurs, quoi. Non, mais effectivement, ça va chercher l'aspect voyeur de l'écran, en fait. Les jupes en cuir, tout ça. C'est un truc que personne n'a inventé, qui est malheureusement fait partie des bassesses de l'être humain, mais que la télévision a su bien mettre en avant fut un temps, et que Internet s'est encore plus utilisé maintenant, quoi. On était donc, on parlait beaucoup de YouTube. Ouais. YouTube c'est un modèle économique pour les vidéastes qui se base principalement sur la publicité, il me semble. J'ai entendu parler des systèmes d'abonnement YouTube Red, etc. Il y a aussi les OP sponsors sur YouTube. Ouais. Pour les plus gros YouTubeurs, donc c'est-à-dire que des marques ou des choses comme ça vont proposer de l'argent aux YouTubeurs ou quelque chose d'autre, ça peut être un voyage ou quoi que ce soit, contre une action publicitaire. Et du coup, ça c'est bien vu ou mal vu par certaines personnes. Moi je trouve ça cool tant que ça reste dans le cadre de ce que fait la personne. Sûr que si la personne fait du gaming et qu'elle propose un truc avec des thermomix de cuisine et tout, là je vais trouver ça chelou et je vais me dire ok, d'accord. Après, si c'est un sponsor d'un jeu ou d'un casque gaming, bon là, voilà, je trouve que c'est en raccord avec ce qu'il fait et c'est plutôt cool. Très bien la musique. Hein, pour le débat, là, c'est nickel. Là. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très... Je vous l'avais dit, c'est le bordel. C'est un sujet qui est très... C'était The Last of Us. Thierry Lance trempette. Mais rien ne se passe. C'est un sujet qui est très houleux. Sur tout ce qui est sponsoring, moi, j'ai plus un gros problème. Il n'y a pas que moi. Hein, pour le coup, la DGCCRF... direction de la répression des fraudes, oui. a aussi un problème avec ça. C'est le sponsoring déguisé. Oui. C'est-à-dire que normalement, quand on fait une vidéo, un article, c'est vrai pour les journalistes aussi, quand on fait du promotionnel, on doit le mentionner. Ouais. Tout à fait. Et ça a quand même fait pas mal, et ça fait encore pas mal sujet à débat. Mais maintenant beaucoup plus le font. Notamment. Maintenant beaucoup de youtubeurs qui se mettent à faire du sponsoring préviennent dans une vidéo. Voilà, maintenant je mettrai les liens, je préviendrai avant tout que c'est une vidéo sponsorisée. Oui, voilà, parce que je pense qu'avant tout, après c'est un choix personnel de la part du vidéaste d'accepter ce genre d'opération ou pas. Par contre, c'est vrai que ce qui est gênant, c'est l'éventuelle malhonnêteté intellectuelle qu'il peut y avoir derrière de déguiser le truc. Bon, je pense que l'opération qui m'avait le plus marqué, c'était le clip vidéo de Norman professionnel sur Assassin's Creed avec marqué avec la participation de Ubisoft parce qu'on était fans, etc. et que voilà, c'était pas méchant. Le pire, c'est que c'était pas mauvais, enfin même plutôt bon en termes de qualité était très bien de production réalisé. Et de réalisation par contre, il y avait un petit peu de malhonnêteté intellectuelle de leur part en essayant de déguiser le truc. D'ailleurs, je crois que ça avait été modifié derrière. Et surtout que c'est même dans la description, parce qu'il y en a qui le disent pas dans la vidéo, qui ne le marquent pas dans la vidéo, mais qui le marquent quand même tout en bas de la description, vidéo sponsorisée par Ubisoft ou quoi. Ouais. Et là, c'était même pas le cas sur cette vidéo, donc c'est vrai que tout le monde avait pas mal gueulé, et à juste titre, du coup. Et ils s'en cachent un peu parce que c'est pas toujours très bien vu de la part de spectateurs, ça. Et pourtant, quand on l'amène bien, je trouve ça cool parce que c'est vrai qu'il y en a, ils font des vidéos qui pourraient pas faire autrement sans les sponsors, et du coup grâce à ces sponsors ils peuvent faire ça, donc c'est donnant ou ne c'est serait-ce bon pour que améliorer leur matériel, s'acheter du nouveau matériel et tout. C'est vrai que quand tu vois les gros comme Cyprien ou Norman, quand tu les vois faire du sponsoring, limite tu te dis ils en ont pas besoin pour gagner Je pense que dans ces cas-là, c'est pas eux qui ont besoin des marques, c'est les marques qui ont besoin surtout clairement ça. Parce que là on va pas s'étendre là-dessus parce que ça sort un petit peu du cadre, mais il y a d'autres types de vidéos qui peuvent être pratiquées par ces vidéastes-là qui sont notamment plus tout ce qui est unboxing, donc là c'est vraiment la marque m'envoie un produit, je le déballe et j'en fais un petit peu de l'apologie, enfin même pas un petit peu, en général j'en fais l'apologie bien. Voilà. Sauf si on s'arrange avant avec la personne pour dire voilà, moi j'ai le droit de dire ce que je veux dessus, si vous êtes d'accord vous me l'envoyez, si vous n'êtes pas d'accord vous le gardez. Il y en a qui font ça et je trouve ça plutôt respectable du coup. Pour revenir donc sur ce modèle économique publicitaire, rappelons que sur YouTube, parce que tout le monde ne le sait pas, moi je crois souvent des gens qui pensent que la publicité c'est systématique sur YouTube, ce n'est pas le cas. Mmh. On choisit de monétiser ses vidéos, on choisit donc de présenter de la publicité. Dans votre position, dans votre situation, quel choix vous avez fait par rapport à ça ? Alors moi, j'ai choisi de le faire. Enfin, j'ai pas de problème avec ça, mais en même temps, c'est pas pour ce que ça me rapporte en vrai. Hein, ça me permet juste. Je ne vais pas vous poser la question. Alors. Ouais, non, je gagne alors, quasiment rien avec ça. YouTube Money. Je gagne quasiment rien avec ça. Mais du coup, c'est vrai que ça peut permettre d'acheter un peu de matériel à la fin de l'année ou ce genre de choses pour améliorer le contenu. Donc moi, j'y vois que du bénéfice pour les gens qui regardent les vidéos. Et puis ceux qui veulent pas de pub, de toute façon, ils ne les ont pas parce qu'ils ont très vite installé Adblock. Et ça me dérange absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, la publicité, ça me dérange pas. Tant que c'est pas trop intrusif dans l'expérience, tant qu'il n'y en a pas 15 par vidéo... ce genre de choses, ou qu'il n'y a pas de publicité déguisée, ça me dérange vraiment, comme tu le disais avant, par rapport au sponsoring. Mais sinon, ça ne me dérange pas qu'il y ait une publicité en début ou en fin de vidéo pour que les gens soient rémunérés. Thierry, même question. Moi, pour ma part, du coup, je ne les ai pas monétisés, puisque faire une vidéo de 2 minutes du peuple, tu utilises une bande sonore qui ne t'appartient pas, donc déjà, tu ne peux pas le faire. Et pour ce qui est des let's play, dans tous les cas, je ne vois pas en quoi je pourrais avoir une monétisation avec moins de 50 vues ou moins de 100 vues. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de monétiser tout ça, d'autant plus que c'est vrai que de temps en temps, je m'autorise, à mettre certaines musiques qui ne m'appartiennent pas, donc évidemment je mets la description, dans tous les cas je ne vois pas l'utilité de monétiser pour l'instant les vidéos, d'autant plus que comme dit Roméo, les gens installent Adblock et puis ils peuvent apprécier, ils peuvent tolérer la publicité tant que ce n'est pas trop intrusif quoi. Donc par rapport à ce que tu disais sur le fait de réutiliser du contenu qui éventuellement pourrait être enfin du contenu qui t'appartient pas en fait. Ouais, du contenu. Alors, je sais pas comment ça s'appelle exactement, du contenu protégé, c'est-à-dire que quand tu postes la vidéo. Tu appelles ça contenu protégé. Ouais, c'est-à-dire que quand tu postes la vidéo, tu reçois une notification YouTube qui te dit vous avez ce contenu, vous devez juste cliquer sur accepter. Ah bah là, c'est à ce moment-là qu'il y a des publicités en fait. C'est à ce moment-là qu'il y a des publicités. Dans le meilleur des cas. Contenu. Voilà, parce qu'il y a un contenu qui est disons. Qui n'est pas libre de droit. Qui n'est pas libre de droit. Voilà, c'est ça exactement. Alors bon, récemment, je me suis quand même mis avec des musiques libres de droit pour respecter cela, mais c'est vrai qu'il y a certaines musiques qui correspondent tellement bien à la vidéo que voilà, je ne m'en prive pas, je sais, c'est pas bien. Et du coup, dans ce cas-là, tu te retrouves avec de la publicité sur ta vidéo, elle est monétisée contre ton gré parce que ça rapporte de l'argent. Mais vu que mes vidéos, pour le moment, n'attirent pas énormément de monde ou quoi que ce soit, pour le moment, je dis bien pour le moment, après, c'est vrai que si à ce moment-là, ça influençait les personnes, beaucoup de personnes qui regardaient cette vidéo et que ça pouvait limite déranger, là à ce moment-là c'est clair que j'aurais changé les choses quoi. Alors rappelons que pour tout ce qui est contenu protégé, pendant longtemps YouTube a relativement laissé faire et aujourd'hui, maintenant que ça marche bien, donc YouTube c'est Google derrière, hein, ça mange pas de pain de le rappeler et surtout c'est une société qui protège énormément les ayants droit forcément et pas dans le but de les protéger mais dans le but de leur ramener les revenus publicitaires et YouTube utilise notamment donc une technologie qui s'appelle Content ID qui est présente maintenant chez à peu près tous les grands médias d'une manière générale et ce sont des marques d'eau, une espèce de marquage invisible à l'œil ou à l'oreille sur la vidéo et sur l'audio qui fait que YouTube est capable de reconnaître automatiquement avec une modération a posteriori mais qui est faite par des robots donc qui est totalement automatique, YouTube reconnaît une grosse partie du contenu protégé directement sans effort logiciel très important, notamment si vous capturez quelque chose à la télé sur l'intégralité des chaînes, il y a du Content ID derrière, vous postez ça en ligne, c'est reconnu tout de suite. Le problème, et là j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que parfois des médias s'approprient aussi des choses sur lesquelles ils n'ont pas le droit. Oui. Reprennent des vidéos de YouTube sans l'autorisation. Alors voilà, reprennent des vidéos de YouTube sans autorisation pour faire des émissions de top de machin et tout, mais alors ça, même pas j'en parle tellement je trouve ça ignoble. Mais surtout, s'approprient des droits avec du Content ID sur du contenu sur lesquels ils n'ont pas les droits directement. L'anecdote, c'est que donc on fait des captations de conférences pour certains événements dont on est assez proche. Et on avait capté une conférence du Replay l'année dernière, donc en 2016, durant laquelle un psychologue, alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, Monsieur Santoro, voilà, parlait de l'addiction, etc., et diffusait une campagne. Une campagne de publicité télé qui avait été produite par pour le coup une institution publique donc a priori il n'y avait pas de raison que France Télévisions réclame des droits là-dessus parce qu'il la passait. Malheureusement c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que nous on l'a diffusé sur la vidéo montée de la captation, on a diffusé cette vidéo là, on n'avait pas de monétisation hein, on a fait le choix, une association à but non lucratif, on a fait le choix de pas faire de monétisation sur aucune vidéo sauf quand c'est forcé comme vous le disiez, c'est-à-dire ça a été le cas avec une rétrospective d'année qui était pleine de trailers. Là, ça a pris strike sur strike sur strike sur strike. Enfin bref, il y a tous les trailers qu'on avait utilisés que j'avais été chopé sur YouTube. Hein, donc il n'y avait pas de raison. Bref, mais bon, sur celle-ci, il n'y avait pas de monétisation. Et pourtant, on a eu une réclamation de droit d'auteur qui empêchait de voir la vidéo. Alors c'est un petit peu compliqué de s'en sortir parce que même si la réclamation est mal fondée. C'est quand même à nous suivre manuellement un processus qui consiste à faire une réclamation contre la réclamation, voilà. Et je crois que c'est un petit peu à la mode ça dans les médias d'aller essayer de réclamer un petit peu partout même quand ils n'ont pas forcément le droit, partant du principe que ça va éventuellement provoquer une monétisation forcée de la vidéo. Et que donc pendant ce temps-là, ils récupèrent l'argent. Je sais que YouTube change régulièrement sa politique sur qui récupère l'argent pendant que la vidéo est bloquée pendant la phase de litige et que ça pose beaucoup de problèmes. D'accord. Et que d'une manière générale, le modèle économique de YouTube est clairement en perte de vitesse parce que c'est pas YouTube en particulier, mais c'est tout simplement le modèle publicitaire. Les revenus publicitaires, enfin les dépenses faites par les marques dans la publicité sont de plus en plus basses. Et donc au moment où on enregistre cette émission, quelques semaines plus tôt, on a vu passer pas mal d'articles. Il y a eu des gros problèmes. Voilà, sur des vidéastes qui se plaignaient de plus en plus des baisses de leurs revenus publicitaires et surtout d'une perte de contrôle assez importante. Et là, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que PewDiePie, le Suédois, le fameux Suédois, dont on entend parler souvent parce qu'il s'est un petit peu remarqué, a priori aurait, il y a quelques semaines, c'est en avril, on est en mai, quelques semaines, décidé de quitter YouTube pour passer sur Twitch. Alors est-ce que c'était pas un fake au final j'ai vu ça vraiment en biais. Cette information, parce que je sais qu'il avait déjà fait des vidéos, des premières vidéos où il disait qu'il allait quitter YouTube, qu'il allait complètement arrêter les vidéos, finalement c'était faux. J'ai vu cette vidéo, enfin j'ai su qu'il avait fait une vidéo où il disait qu'il allait quitter YouTube, mais finalement ils se sont pas arrangés pour qu'il... Alors je sais pas, j'ai pas eu le temps, je vous cache pas que j'ai un petit peu à l'arrache sur les détails comme ça, donc j'ai pas eu le temps d'aller vérifier jusqu'au bout. Je sais juste que du coup il y a une chaîne Twitch qui est à 500 000 abonnés quand même. D'accord. Déjà. Mais a priori bon c'est quand même si même si il y a eu une marche arrière là-dessus, c'est quand même un petit peu symptomatique. On parle souvent de l'hégémonie de YouTube en tant que plateforme de vidéo que d'autres Dailymotion en tête voudraient essayer de contrer. Malheureusement ils n'y arrivent pas. YouTube ils sont tellement hauts, enfin tellement, ils sont tellement imposés quoi. Et même les youtubeurs qui ont une chaîne avec des millions et des millions d'abonnés, ils savent très bien que s'ils quittent YouTube pour s'installer sur Dailymotion ou autre, ils auront beaucoup moins de personnes qui vont les suivre parce que tout simplement les personnes ne connaissent peut-être pas Dailymotion ou Twitch, donc c'est un risque disons pour eux. Ils sont dans une situation pas de monopole mais quasiment à cause du on dirait du parc installé, mais à cause de la quantité d'utilisateurs qui sont déjà sur YouTube. C'est ça hein, donc c'est difficile d'aller ailleurs pour le coup. Mais du coup par rapport à ce que tu disais, il y a eu des très très gros problèmes justement il y a quelques semaines, et en fait ça a été dû à des entre guillemets des attaques des autres médias, principalement de la télévision, qui se rendent compte qu'il y a de plus en plus de gens qui désertent leurs médias eux pour se diriger vers des médias d'internet, particulièrement de YouTube. Et en fait, ils font tout pour prendre pour cible des gros youtubeurs tels que PewDiePie et de créer des scandales qui n'en sont pas vraiment à la base sur ces gens-là pour pouvoir démonter le média qu'est YouTube et du coup s'en prendre à l'intégralité des youtubeurs en s'attaquant juste à une ou deux personnes précisément. Et du coup, ça devient une attaque qui est généralisée sur tous les vidéastes. Et ça cause de gros problèmes parce que avec un ou deux petits scandales, enfin petits scandales, juste sur des personnes précises comme ça, il se retrouve qu'il y a certains publicitaires qui ne veulent plus que leur sponsor publicitaire apparaisse devant les vidéos, soi-disant parce qu'il y avait eu des choses sur le nazisme ou le racisme ou des choses comme ça, précises sur une personne. Et du coup, il se retrouve que sur plein de youtubeurs, ils ont perdu leur sponsor, ils ont perdu des publicités et du coup, une grosse baisse de revenus pour pas mal de vidéastes pour aucune raison, parce qu'ils n'avaient rien changé à leur contenu, ils continuaient à faire la même chose. Mais c'est-à-dire que l'image de marque pour une entreprise, là on parle de quelqu'un qui touche 55 millions de personnes. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quand même pas rien. Mais voilà, ça a touché énormément de youtubeurs qui n'avaient rien à voir avec ça et qui se sont retrouvés à avoir soit des vidéos qui avaient une baisse de 20-30% de monétisation et d'autres qui se retrouvaient à avoir des baisses de monétisation de 80%, ce qui est quand même énorme sur un salaire. Il faut se rendre compte que c'est des gens... Il y en a qui disent que c'est pas un travail, mais il y a des gens qui bossent quand même 10 heures par jour entre le tournage des vidéos, le montage, le post, tout ça, et qui se retrouvent à avoir leur salaire chuter comme ça d'un coup sur une semaine. Ça pose quand même certains problèmes, quoi. Et il y a eu aussi le problème de Nintendo, je crois que c'est l'année dernière, je sais pas si t'es au courant. Nintendo, qui a décidé d'un changement de politique fort et un peu brutal. Un peu brutal, voilà. Nintendo a décidé que toutes les vidéos concernant des jeux Nintendo, la monétisation reviendrait intégralement à Nintendo. Donc ce qui sans déconner. C'est bon ça. Mais c'est leur jeu, donc ils font ce qu'ils veulent en fait. Et ça pose un très gros problème parce qu'il y a des youtubeurs qui faisaient que du Nintendo, qui étaient très connus. Et du coup, ces youtubeurs se sont retrouvés obligés d'arrêter parce que du coup, plus aucun revenu. Alors qu'en fait, c'est complètement débile parce que les youtubeurs qui font des vidéos sur des jeux Nintendo, c'est de la publicité gratuite pour Nintendo. Ils mettent en avant fait. Le jeu. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, eux, Nintendo, je comprends pas trop leur action parce que finalement, ils se privent d'une publicité gratuite et facile sur internet quoi, en faisant ça. T'imagines demain il y a le mec de chez Nintendo qui arrive en convention et qui disent oh plus aucune Nintendo sur les stands. Ouais c'est ça. Tout l'argent nous revient. Tout l'argent nous revient. Alors d'ailleurs on prend vos tables et vos chaussures. Non mais tu sais déconne mais. Et votre slip. En France Nintendo confie depuis plusieurs années sa partie communication événementielle. Tant que ça reste informel, c'est-à-dire dans les conventions, etc., Nintendo la confie à une association qui s'appelle la Nintendo League. Bon, après, il y a eu un split il n'y a pas longtemps pour faire tout le truc, mais ils confient ça directement à des associations parce que ça leur permet de garder un semblant de maîtrise du truc en disant, voilà, on a des gens qui ne sont pas des officiels, mais qui ont comment dire, un accord de principe, qui sont approuvés par Nintendo France. Et bah, ça leur donne évidemment des moyens considérable, notamment borne démo, etc. Et ça reste quand même pour Nintendo une façon d'avoir une certaine maîtrise, un certain contrôle. Moi, je serais pas étonné que si dans une grosse convention un jour ça dérape un petit peu, au sens où des associations comme on le fait, enfin des gens qui viennent faire de l'animation sur du jeu vidéo, se mettaient à avoir une prise de parti ou une attitude qui serait au désavantage de Nintendo. Et dans un contexte, comme je vous dis, une grosse conv, une Japan Expo, un truc comme ça, dans un contexte suffisamment important pour que ça fasse parler et que ça nuise à l'image de Nintendo, je ne serais pas étonné qu'ils demandent... Enfin, ils sont dans une position où c'est leur propriété intellectuelle. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Oui, ok. Voilà. Oui. Ça part loin. ça part loin, mais... C'est pas forcément des bons choix, c'est très judicieux. Non, mais c'est toute la nature du problème, c'est-à-dire que... du seul point de vue de la loi, leur propriété intellectuelle fait que eux ils te vendent un jeu pour que tu y joues chez toi. Dans le cadre, c'est un peu comme les trucs qu'on voit défiler au début des vidéos, des DVD, etc. C'est usage dans le cadre du cercle familial, pas en public, pas dans les prisons, les écoles, les machins, tout ça, voilà. Donc tout ça n'est que toléré finalement. Et oui, bien sûr. Il y a eu une autre affaire, un peu plus récente avec Atlus. Donc a sorti Persona 5 version occidentale il y a quelques semaines. Donc Persona, un jeu avec une partie narrative extrêmement développée, et Atlus voulait essayer de préserver le jeu le plus possible et a donné comme consigne aux streamers, aux vidéastes, etc., de ne pas dépasser un certain stade du jeu. Oui. Comme consigne stricte. Est-ce qu'il était en bêta ou il n'est pas encore sorti? Si, il est sorti, c'est juste qu'ils ne veulent pas accueillir des pans de jeu entiers sur internet, etc., à partir d'un certain stade, parce qu'ils veulent préserver leur narration, etc. Ils veulent préserver les qualités du jeu et que ça reste dans les mains des joueurs et pas là-dessus. Pourquoi cette décision-là, on ne sait pas trop. Par contre, ce qui est certain, c'est que le seul levier d'action qu'ils avaient, c'était la menace. C'est-à-dire, si vous êtes sur Twitch, sur YouTube, etc., ben, si vous suivez pas la consigne, on fera des réclamations. Et les réclamations sur Twitch, on y viendra un petit peu tout à l'heure, hein, mais les réclamations sur Twitch, ça peut être suspension immédiate. Enfin, un éditeur qui réclame pour sa propriété intellectuelle, hop, on coupe, direct. Oui. Si t'as pas une très grosse audience, t'as pas beaucoup de rien pour contrer. Et c'est vraiment dommage, parce que là, c'est de la menace, quoi. Ah oui, complètement. C'est de la menace. Et les joueurs n'ont aucun contrôle là-dessus. C'est l'éditeur décide qu'on fait ça. Alors après, ont-ils raison, ont-ils tort? C'est un autre débat. Mais on sent clairement, par toutes les petites affaires comme ça, et vu qu'il n'y en a pas un qui prend la même décision. Hein, oui, bien sûr. Nintendo qui dit non, on veut récupérer le pognon complet. Après, c'est complètement une mentalité différente chez Nintendo. Nintendo, ça a toujours été un petit peu spécial. Un petit peu spécial. Mais en tout cas, il n'y en a pas un qui prend la même décision. Il n'y en a pas un qui pense la même chose. Donc on sent bien que. Il y a un défaut de compréhension, c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne fait pas partie de leur plan de communication formel, en tout cas, parce qu'on ne peut nier que ça fait partie du plan de communication informel des éditeurs, vu comment ils approchent eux-mêmes les plus gros du secteur, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, etc., comment ils les approchent directement pour leur fournir les gens en avance, comme peuvent les avoir les journalistes, etc. Donc, ils en ont besoin, mais à la fois, ils ont besoin de garder un petit peu la maîtrise du truc. Voilà. je pense que ça doit être compliqué. Elle n'aimerait pas bosser. Ouais, effectivement, ça doit être un beau bordel. Bosser à la com chez un éditeur de jeu, ouais. Un gros éditeur de jeu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'un sacré boulot. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs à l'heure actuelle qui se sont rendus compte du potentiel des let's players, du potentiel des streamers, et qui du coup sont bien rendus compte que c'était quand même des très gros coups de com. Et du coup, même certains en profitent pour envoyer des pré-versions, des versions bêta aux youtubeurs pour en faire la promo quelques jours avant la sortie du jeu. Avec certaines règles néanmoins, je sais qu'il y a des youtubeurs, ils le précisent, voilà, c'est une opération sponsor avec Ubisoft, avec je sais pas trop quel éditeur. J'ai déjà entendu des youtubeurs dire dans des vidéos autres, du coup pas dans la vidéo principale, mais dans un peu des making-of, dire que voilà, les seules consignes qu'ils avaient, c'était soit de ne pas dépasser un certain stade du jeu, ils avaient le droit à telle ou telle mission parce que voilà, fallait pas tout dévoiler avant la sortie du jeu, mais là ça peut se comprendre pour le coup. Et surtout, quand c'était vraiment une version bêta, genre 6 mois avant la sortie du jeu, d'éviter de montrer les bugs surtout, parce que du coup des bugs qui allaient être corrigés, ouais, qui étaient encore c'est mauvais pour la com en réparation, et voilà, ils avaient juste pour consigne de pas montrer les bugs et de pas les tourner en dérision, mais ça peut se comprendre. Et à côté de ça, c'est un vivier aussi de communication pour notamment les développeurs indépendants, ouais. Qui eux ont des budgets de com qui s'approchent du néant. Ah oui, complètement. Voilà, qui n'ont pas de communicants parce qu'ils n'en ont pas les moyens, qui sont obligés de se concentrer, enfin qui sont obligés. Leur métier, c'est de développer et pas de vendre. Hein. C'est tous les développeurs indés avec une faible expérience vous le diront. Pourquoi leur premier jeu souvent se plante, c'est parce que ils sont peut-être très bons, mais savent pas le vendre, ils avaient pas le temps, ils se sont pas rendu compte qu'il fallait faire ça aussi en plus de le développer. Oui. Ah bon, faut le vendre, il fallait faire connaître. Ouais, non, mais c'est ça, il te dit tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit fleurir des labels indés, type Devolver Digital, etc. Focus en France dans une autre mesure. C'est tout simplement pour accompagner ces gens-là. Mm. Et l'air de rien, je pense que ça leur fait pas mal de bien, parce que sur YouTube, on voit beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de jeux indépendants qui tournent, ça ouvre de nouvelles choses, c'est des choses que certains joueurs n'ont pas l'habitude de voir. Il y a beaucoup de joueurs qui sont que console, enfin du coup que jeux AAA, pas forcément console, et c'est vrai que les gens n'ont pas forcément ce réflexe de se tourner vers l'univers du jeu indépendant, et c'est vrai que ça fait un peu une sorte de vitrine pour voir un peu ce qui peut se faire, ce qui peut être intéressant. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire des vidéos sur des jeux indépendants, pardon. Et je trouve ça très cool parce que je trouve encore qu'il n'y a pas assez de gens qui en font, quoi. Et c'est vrai qu'il y a tellement de pépites dans cet univers du jeu. Non seulement tu te régales à jouer au jeu, mais en plus tu le partages à ceux qui, ouais, voilà, ceux c'est qui l'écoutent. C'est toi qui m'as fait découvrir le jeu The Stanley Parable, ouais. qui est un gros carton pour le coup. Ouais, mais qui est un jeu. Enfin, pour moi, le concept est juste énorme. Et c'est vrai que si t'avais pas fait cette vidéo, je l'aurais sûrement découvert un ou deux ans plus tard. Quoi, Et celui-là, pour le coup, ce jeu a fait un très très gros carton grâce à YouTube. C'est vrai qu'il sortait un peu des sentiers battus. Et vu que là, c'était vraiment un jeu où les réactions peuvent être très surprenantes, et forcément, ça se prêtait vraiment beaucoup à la vidéo spectacle, totalement narratif, The Stanley Parable, et narratif, et avec une expérience qui est laissée dans les mains du joueur, c'est-à-dire qu'on peut très bien voir un run de Stanley Parable et pour autant pas se faire spoiler le truc. Ça, on a tout entre les mains en permanence. Où est la fin en fait? Il y a plein de fins différentes, et personne n'aura la même partie. C'est mon choix. Il m'a mis la tête en biais au bout d'un moment. Moi, il m'a même fait peur en fait. Au début, je savais pas à quoi jouer. Il y a un moment où je me suis retrouvé dans un truc, j'avais peur que ce soit un jeu d'horreur et que j'ai un screamer qui me saute à la gueule, et j'ai commencé à flipper. Tout le monde dit mais non, mais c'est pas un jeu d'horreur, t'as pas à avoir peur. Et moi j'étais là, écoute, je joue au jeu, je le découvre en même temps que vous, j'avais jamais joué avant. Donc c'est vrai que quand tu sais pas trop dans quoi tu es, mais ça c'est quand il y a personne, les environnements, il y a personne. Ça fait la même chose avec Gone Home, t'es dans une maison, enfin juste ça craque un peu, les lumières, machin, mais par contre il y a absolument personne. Et tu te demandes à quel moment ça va sortir. C'est absolument pas le cas, hein, évidemment, parce qu'il est pas horrifique pour un sou, mais ça fait totalement la même chose. Gone Home, j'en ai entendu quand on faisait les émissions sur Génération Vidéo. Sam m'en avait parlé et je l'ai testé il y a quoi, 3-4 mois. Je l'ai testé, alors à chaque coin, j'étais là, il y a un truc qui va sauter. Non. Là, il y a un truc qui va sortir de la porte. Il était déçu. Finalement, il s'est rien passé. J'ai fini le jeu, j'étais là, je suis choqué et déçu. Ce jeu est génial, mais il te fait croire trop de choses. Ouais, c'est ça. Il est génial, mais il n'y a pas d'alien. Voilà, il n'y a pas d'alien. Il n'y a pas d'alien dans le placard. Pas de zombies, il n'y a rien du tout. Est-ce que c'est pas un peu le projet Blair Witch du jeu vidéo? Il y a des trucs qui font croire qu'ils font peur, et en fait, il n'y a rien. Non, ça dépend. Mais moi, je te jure que Gone Home, tu peux y jouer. Hein, parce que c'est ton imagination qui fait le boulot. D'accord. Le jeu est quoi qu'il arrive, est tracé pour qu'il soit tracé comme ça. Mm-hmm. C'est ton imagination, parce qu'à un moment, tu te dis, putain, il y a un truc qui va sortir. Non. Faut que je cherche une clé. Non, c'est pas la clé que je cherche. Et ainsi de suite, tu trouves tout plein de bouts de papier, tu lis. Je rigole beaucoup de la musique. Alors, de mémoire, on est sur la BO de Guacamele. D'accord, oui, ça se tient. Par un Mexicain. Totalement. Voilà. Après, pour en revenir tout à l'heure à la pub, je vais me donner mon avis, moi, de spectateur. Là, je comprends tout à fait que ça nourrisse des gens, des youtubeurs. Oui. Tout à fait d'accord. Et moi, ça me gonfle. Ça me gonfle. Parce que t'es en train de regarder ta vidéo, et rah, coup de hache, une pub. Mais après, t'as le choix de ne pas la voir. Aussi. Mais moi, je mets pas AdBlock sur mon téléphone, par exemple. Non, ah, mais oui, t'as le choix de couper court à la publicité, en général. Des fois, non. Des fois, il y en a certaines. Ouais, des fois, t'es obligé de l'avoir juste oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu mets une vidéo sur YouTube, tu as les options, soit en truc automatique, donc tu laisses, il y a juste une pub au début, soit tu peux choisir d'en mettre une au début, une à la fin, ou une en plein milieu, et tu peux mettre l'option comme quoi les gens ne peuvent pas passer la vidéo. Mais YouTube te prévient que tu risques d'avoir des gens qui quittent la vidéo, en fait, si tu laisses cette option. Donc, faut quand même avoir une très grosse communauté pour. Parce que t'as la vidéo qui dit, vous pouvez l'ignorer dans 5 secondes. Donc ouais. 4, gna. Et t'as la vidéo qui te dit hey, tu adores me supporter jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, c'est ça, je comprends. Tu la vois, secondes. Parce que sur la ligne de YouTube, quoi, tu la vois, tu dis ah, il y a un petit la point jaune. Line, il y a le point jaune, donc tu sais que t'as la pub qui est là. Mais des fois, ça prévient pas. T'as coup de hache, ça fait vraiment chier. Ouais, non, et c'est surtout que ce sont des pubs horrible. Qui servent à rien. Parce que tu bouffes de la pub à la télé, à la radio. Non, mais quand c'est une pub, quand tu regardes les pubs, t'as toujours une pub que quand elle passe, tu coupes le son parce que tu la supportes pas, tu vois. Et moi, j'applaudis Deezer parce que Deezer, ils mettent des pubs qui sont tellement affreuses à supporter que limite t'as envie de t'abonner, tu vois. Mais oui, c'est un peu le principe. Hein, parce oui, voilà. En vrai, dans la musique, ils peuvent pas survivre sans les abonnements. Vraiment, le modèle publicitaire est totalement en train de s'effondrer. Donc, c'est comme tu dis, c'était des pubs intéressantes. Oui. Alors, cela dit, point de vue ciblage des pubs, est-ce que c'est pas plus ciblé jeux vidéo, justement, dans le cadre des youtubeurs qui font partie d'un network? Alors, c'est souvent plus ciblé jeux mobiles. Toujours. Ah, ok, désolé, j'ai rien dit. C'est de la merde. En ce moment, il y en a une qui tourne beaucoup, c'est genre le jeu bataille navale française, construis ton porte-avions et tout. Mais non, mais je m'en branle en fait. Clash of Clans, voilà, aussi, Clash en ce moment, il n'y a que de ça, quoi. Ouais, la pub avec Schwarzy, là. Ah non, j'ai pas eu l'occasion de voir Schwarzy. Mais tu vois, une pub pour Schwarzy, ok, ça passe, tu vois, parce que c'est Schwarzy. Je pense que c'est une pub pour un jeu mobile avec Schwarzy. Non, ouais, c'est ça. Mais ils le font maintenant, mais des budgets. Total Recall 2. Sur mobile. Il y a World of Tanks, j'ai eu des pubs comme ça. Etc. Ah oui, World of Tanks, ouais. Et ben Schwarzy, lui, c'est le truc avec les hélicoptères. Je sais pas ce qu'ils ont avec les hélicoptères. Ah oui. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. C'est là dans son bunker qui sort. Elle est très très mal doublée. C'est pas du tout son doubleur officiel. C'est absolument horrible. On dirait que c'est un film indien qui a été redoublé. Enfin, c'est un peu chaud. La dernière fois, j'en regardais Schwarzenegger. Ils ont fait une pub avec Schwarzenegger avec un autre doubleur que Daniel Beretta. Exact. Ok, c'est pas possible. Même le Pandora Avignon qu'on salue, ils ont les moyens de se prendre Daniel Beretta pour faire un générique, pour faire un jingle. Donc à un moment donné. Et en plus, la synchro labiale est dégueulasse. C'est pas du tout. Bon, sur les lèvres. La dernière fois, il y a un truc, la pub qui m'a le plus gonflé. C'est la première fois que j'avais vu cette pub. Je regardais une jeu triste derrière, c'est parfait. Je regardais un jeu d'horreur, tu vois, je me suis dit. RTC était triste. Je regardais une vidéo de Resident Evil 7. Mm-hmm. Tu vois. Je regardais. Mec, il y a d'autres trucs que Resident Evil dans la vie. Je regardais. Possible, ce type est monomaniaque. Coup de hache. Pub sur les préservatifs goût citron machin. Alors je me suis dit, alors soit les compresseurs sont décédés. Ah oui, la saturation s'est envolée. Soit ils se disent on va mettre cette pub là pour dire que le jeu ça pue la banane. Voilà, tu te dis, mais pourquoi, si encore les pubs étaient ciblées, tu vois, dans exemple, la pub, mec. Tu regardes Resident Evil 7, ils te mettent, je sais pas, une pub sur comment découper un veau à la tronçonneuse, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Si la pub est en rapport avec ce que tu regardais. Ah, tu me régales. Tu regardes une vidéo d'Hearthstone qui est un jeu de cartes. Bah, on va pas te mettre une vidéo de poker. Bon, d'accord, la similitude c'est que c'est un jeu de cartes. Non, bah, tu peux mettre Magic the Gathering. Tu peux mettre. Eh oui, mais bon, ça limiterait énormément les publicitaires. Je veux dire, par exemple, Fanta, tu le mets où, quoi? C'est ça un peu le problème. Si quoi. Tu es un joueur d'Hearthstone, n'importe quel jeu, voilà, bah, tu bois ton Fanta, bah, tu fais une pub pour Fanta. Mais après tu crées tes propres pubs qu'après tu envoies aux mecs. Après là on revient dans l'OP sponso. Mais voilà, clairement il y a certaines marques qui ont besoin de toucher leur public et il y a certaines marques qui ont besoin de toucher tout le monde. Et par exemple dans tes vidéos YouTube, tu veux boire un Fanta, tu peux pas, tu es obligé de le boire dans un verre neutre. Alors moi non, parce que je suis pas touché par ça, je m'en fous en fait, il y a personne qui me dira rien, mais c'est vrai qu'un gros youtubeur, oui, ça va direct être alors, il vaut mieux éviter quoi. Cela dit, là il n'y a pas de, à moins d'un placement de produit déguisé, ouais. Mais en l'occurrence un verre marqué ou un truc comme ça, ce serait pas le cas. Mais je pense que toi tu penses plus aux règles strictes type CSA, donc dont souffrent les médias qui sont sous le joug du CSA. Donc c'est principalement la radio, la télévision. Le CSA aimerait appliquer ces règles à Internet depuis très longtemps. Fort heureusement, ils n'y arrivent pas. Puis c'est compliqué. Il y a un domaine de périmètre législatif, tu vois, sur Internet. Qu'est-ce qui est sous régime français ou pas sur Internet, tu vois, c'est un peu délicat. Quoi. C'est hyper compliqué, mais après voilà tout le côté placement de produits et tout. Comme dit Roméo, effectivement, un très gros se permettrait pas un truc pareil parce qu'on accuserait de placement de produits déguisés tout de suite. Parce que j'ai vu beaucoup de vidéos où les mecs, par exemple la bouteille de Coca qu'on a là, bien particulière, hein, les mecs ont été obligés d'enlever l'étiquette. Ah oui, carrément. On le sait, nous spectateurs, qu'on voit. Qu'on d'accord, mais j'ai jamais vu ça, moi en tout cas. J'ai même vu des vidéos où les mecs fumaient. Bon, peut-être qu'ils auront des problèmes parce qu'ils fument devant en montrer une vidéo. Oui, c'est possible. Citation, la cigarette, bon bref, tout ça. Je sais pas. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tes poings et mains liés? Tu peux pas mettre le t-shirt que tu veux parce qu'il y a je le pense que du ça, surf ça reste pas autant restrictif que pardon, ça. Pardon, j'ai bloqué sur point et main liée. Pied et point lié. Pied et point lié. Point et main liée, c'est vraiment chiant. Il y a pour pas mal de trucs dans la vie, ça va être pénible. Je sais pas, est-ce qu'à terme, est-ce que vous pensez que dans quelques années, on va devoir être tous habillés en blanc, boire. Si c'est le cas, l'Internet sera plus le média libre qu'on appelle. Oui, parce que là, à partir de là, il y aura eu d'autres trucs qui ont été touchés avant, il y aura des droits sur les jeux. Déjà que la télé essaye de grignoter petit à petit la liberté d'Internet. Enfin voilà quoi, faut pas pousser le bouchon trop loin. Je pense qu'ils sont encore assez, ils sont pas trop restrictifs là-dessus. Enfin moi je sais que par exemple des mecs comme Benzaï qui sont des assez gros youtubeurs quand même, je sais que dans ses streams il passe son temps à boire du Red Bull et du Monster et il a une liberté de ton total, il en a rien à secouer. Ah ouais, alors lui il en a rien à secouer quoi. C'est... mais dans ces cas-là, est-ce que ce n'est pas de la pub comme t'as dit tout à l'heure, la cachée? Honnêtement, je sais pas. Il nous montre juste que ça fait énormément roter, mais après, je sais pas. Oui, ça. Ah, du coup, c'est qu'il est pas sponsor Red Bull. Voilà, c'est ça. Je crois pas, non. Tu sais, enfin, pour le coup, Red Bull, ils sont suffisamment pour prendre cette marque-là, ils sont suffisamment préoccupés avec leur cœur de cible qui est le sponsoring d'événements type sport extrême, etc. Ouais, ouais. Enfin, ils ont déjà une cible bien définie. Lui, juste, il boit ça parce qu'il boit ça et que, connaissant le personnage, il va pas mettre un coup de gaffeur tout c'est le ça. Temps. Et qu'il a besoin de rester éveillé jusqu'à 7h du matin. Voilà, c'est ça, vu qu'il fait des lives tout le temps, chaque nuit. Ouais, voilà, non, mais il est. Et puis, c'est typiquement le mec qui, parce qu'il est sur internet, fait ce qu'il a envie de faire. Enfin, là, depuis quelques mois, il est très proche de gens, notamment d'un streamer qui s'appelle Manuel Ferrara, qui est acteur porno avant d'être streamer jeux vidéo, tu vois. Du coup, il est énormément dans ce milieu-là. Il a été aux AVN, c'est genre les Oscars du cul, pour dire ça simplement. Ouais, Benzaï qui m'insupporte pas mal. Voilà, il fait juste, c'est juste le mec qui fait totalement ce qu'il a envie et se pose pas la question. Alors que pour le coup, tout ce côté-là, traîner avec les acteurs et les actrices X et tout. Je pense qu'effectivement, ça lui a fait perdre une partie de son public parce qu'il y a le choix moral derrière, on va dire. Il y a le fait qu'il dérive totalement de son truc, quoi. Tu vois, enfin rien que ça. Donc et pourtant, ce mec-là, il tourne encore. Il a son public, il a son machin, ce qui prouve que, a priori, sur Internet aujourd'hui, tu peux encore faire un peu ce que t'as envie. Si tu trouves ton public et si ça plaît aux gens. A priori, ça passe quoi. Voilà. Plus gros problème reste les jeux Nintendo et les musiques non libres de droit. Voilà, vraiment les musiques, c'est le plus emmerdant sur YouTube. Je sais que par exemple des mecs comme le joueur du grenier en ont pas mal parlé. C'est vrai que eux, ils sont énormément touchés parce que dès qu'ils font une grosse vidéo sur un jeu à thème, bah, ils sont un peu obligés de mettre la musique qui va avec derrière. Par exemple, je sais pas, ils font une vidéo sur les jeux Indiana Jones. Tu mets pas la musique d'Indiana Jones, ça marche pas quoi. Oui, tu vois. C'est vrai que. Et du coup, ils sont obligés de la mettre et ils se prennent un strike, tu vois. Et ils ont pas la vidéo de monétiser et là, ça leur fait 3 mois de salaire diminué quoi, et c'est vraiment très compliqué pour c'est eux. C'est vraiment dommage ça. Voilà, et c'est qu'ils en parlaient et ils n'ont pas trop de problèmes avec ça. Après, il y a des gens qui, pour contrer ça, ont fait le choix de quitter YouTube et d'aller sur une autre plateforme. Je sais que par exemple, Karim Debbache, qui était avant, alors là, on sort du domaine du Let's Play, mais ça reste dans le domaine du jeu vidéo, qui était avant chroniqueur sur jeuxvideo.com et qui faisait l'émission Crossed, qui était une émission qui parlait de films en rapport avec le jeu vidéo, soit des adaptations, soit des films qui parlaient de jeux vidéo. Et bien maintenant, il fait son émission Chroma, qui parle juste de cinéma, des chroniques de cinéma. Ils ont fait le choix d'aller sur Dailymotion parce qu'ils sont beaucoup moins chiants par rapport aux droits d'auteur sur Dailymotion, que ce soit sur les images tirées de films ou que ce soit sur les musiques. Et ils savaient très bien que s'ils faisaient ça sur YouTube, ils avaient une vidéo sur deux de démonétisée, voire plus. Ouais. Et ils ont pas ça sur Dailymotion. Mais bon, ils ont pris le gros risque de faire ça sur Dailymotion. Ils ont eu de la chance que la communauté les suive. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu délicat pour ce genre de, de format. Ils avaient pour tempérer, bon, c'est une vraie prise de risque quand même, mais c'est vrai que pour tempérer le truc, ils savaient qu'ils avaient leur public parce qu'il y a eu une campagne de financement participatif qui est aussi là pour ces vidéastes-là, le moyen de reprendre le contrôle. Étant donné que Crossed était déjà fini sur jeuxvideo.com et qu'il ne faisait plus de vidéos sur YouTube avec cette émission-là, le fait de repartir à zéro en fait avec cette émission, l'émission Chroma, ça a été beaucoup plus simple aussi pour changer de plateforme. C'est vrai que si tu avais déjà une émission en place et que d'un coup tu changes de plateforme, c'est toujours plus compliqué en fait. Mais du coup, c'est vrai que ils sont encore assez sympas avec les musiques qui sont des musiques de jeux vidéo. Et là, pour le coup, t'as pas de strike pour le moment. Pour le moment, quand c'est des musiques de jeux vidéo, même si elles sont pas du tout libres de droit, sauf quand c'est des musiques de jeux vidéo qui à la base sont des musiques, par exemple, je sais pas, t'as une musique d'AC/DC dans un jeu Iron Man, là c'est bon, t'es mort quoi. Mais sinon, autrement, t'as les musiques de The Last of Us ou quoi, en général, t'as pas de problème du tout quoi. Et ça, c'est plutôt cool pour le moment. T'es pas obligé de mettre du Chopin derrière, même si j'aime beaucoup Chopin, c'est pas forcément un rapport avec ta vidéo. En fait, dès que ça touche à l'argent, c'est-à-dire que dès que tu vis de ces vidéos là, ça devient un gros casse-tête. Quand tu fais des vidéos que tu ne les monétises pas, que t'as pas cette influence et cette des fois il y en a, ils font juste des vidéos. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Cyrumno. Cyrumno, lui il fait des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos. Il s'en fout de savoir si ça va grimper ou pas. Toi, quand tu faisais vidéo, tu t'attendais pas non plus à ce que ça grimpe. Mais c'est vrai que sans que tu le veuilles, ça finit par t'influencer. Du coup, t'es obligé de te plier à tout ça en fait. C'est... certaines règles, oui, bien sûr. Oui, mais ça fait partie du jeu aussi. Ça, c'est sûr. C'est normal. Ouais. Alors, on a passé pas mal de temps sur tout l'aspect monétisation, finance, machin, et business, tout. Business. Business, voilà. Mais revenons à l'argent aux abonnés. Revenons. François Fillon rend l'argent. Non, c'est fini ça. C'est fini. Remarque, du coup, il le rendra pas. Bref, happy. Donc revenons sur vos propres activités. Qu'est-ce que vous aimez faire là-dedans? Voilà, parce que le Let's Play, on l'a dit, il y a pas mal. Enfin, l'air de rien, on dit Let's Play, mais c'est quand même pas mal résumé, parce que le Let's Play, c'est au final qu'un beaucoup de genre choses. De format, voilà, un truc et puis très global. Même le Let's Play en soi englobe pas mal de choses complètement différentes au final. Voilà. Enfin, complètement différentes. Pour poser la question simplement, qu'est-ce qui vous fait kiffer parmi ce que vous avez pu faire, quel est le travail dont vous êtes le plus fier, quels sont les jeux que vous avez le plus aimé partager avec la communauté sur vos vidéos? Waouh, alors question un peu difficile. Donc là c'est vraiment question en tant que créateur et pas en tant que spectateur. Souvent j'aime beaucoup partager des jeux qui m'ont énormément plu et que les autres n'ont pas aimé en fait, et que du coup tout le monde s'est amusé à démonter, et pour des fois des raisons valables ou non. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu. Par exemple, un truc que je n'ai pas encore fait mais que j'ai prévu de faire, c'était un let's play ou un live sur le jeu Thief qui était sorti il y a 2-3 ans. Le Thief, le remake. Le remake, ouais. Voilà. Qui était un jeu qui avait été très mal fini, voilà, qui avait eu beaucoup de problèmes, mais c'est qui d'accord. Pour moi en restait un bon jeu. Sur certains points, il y avait des bons trucs, et surtout j'aimais beaucoup la licence Thief. J'avais joué aux premiers épisodes. Tout à fait. Et moi, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Je trouve ça trop cool. Je me dis, ouais, putain, j'ai l'impression de rejouer au jeu de mon enfance, même si ça restait un couloir, même si les maps étaient assez compliquées et l'IA était un peu catastrophique. Et je trouvais qu'il y avait quand même des bons points, et il s'est fait tellement démonter par la critique, mais vraiment, ça a été. Genre, il s'est pris 2000 pièces poussière dans la gueule et en... il est passé de 70€, 3 mois après il était à 6€ dans les bacs. Quoi. C'était une catastrophe économique. Énorme décote, il a été offert. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a plein de gens, même des... parce que du coup moi j'ai aussi une communauté un peu de collectionneurs sur ma chaîne parce que je me fais un peu des vidéos en rapport avec la collection où je montre des achats, voilà, les jeux que j'aime bien, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui dans leurs vidéos, quand ils ont trouvé ce jeu quelque part ou quoi, ils le montrent et ils disent ouais, ce jeu est pas terrible et tout machin truc, mais non mais mec t'y as jamais joué. Et enfin je prends cet exemple là pour celui-là, mais c'est le cas pour plein d'autres. Et je trouve ça un peu dommage. Et c'est vrai que moi j'aime bien du coup montrer bah non en fait ce jeu il est pas mal. Vous y avez pas joué, mais il est pas mal. Et du coup mettre les trucs en avant comme ça, j'aime moins du coup faire des choses qui ont déjà été faites 10 000 fois. C'est vrai que là par exemple je vais bientôt faire The Last of Us parce que ça m'a été beaucoup demandé, mais ça me plaît un peu moins dans le sens où il a tellement été fait en let's play que voilà, j'y trouve moins d'intérêt forcément si ça a été du vu, du revu et du réchauffé. Après c'est jamais la même chose et la même expérience, mais c'est vrai que je préfère quand même faire un peu... Bon on peut jamais... Forcément on fait toujours des choses qui ont déjà été faites 10 000 fois, mais... je dis ça, mais je fais quand même des vidéos sur Minecraft aussi, donc je peux fermer ma gueule aussi. Mais Minecraft, grand classique hein, chez les vidéos. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour le côté créatif, justement. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que pareil, Minecraft, c'est un peu comme. Ça englobe tellement de choses. Il y a le PVP, les maps créatives, les serveurs. Il y a tellement une communauté qui a créé plein de choses qu'il y a plein de vidéos différentes sur Minecraft et tout le monde n'aime pas la même chose. Enfin, voilà, c'est comme. Les let's play en général, c'est un peu dire j'aime bien regarder let's play, c'est un peu dire j'aime bien écouter du métal. Ça veut un peu tout dire et rien dire quoi. Il y a tellement de genres et de sous-genres et c'est vrai. Voilà, c'est très varié ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est des bonnes expériences et les lives, c'est vraiment des super expériences que j'ai envie de recommencer. Ça fait un moment que j'ai pas fait de stream et c'est une autre version du let's play du coup et c'est vrai que avoir des retours en direct des gens, c'est vraiment vraiment super. Et c'est une expérience complètement différente et ça vraiment j'ai très hâte de m'y remettre quoi. D'accord, bah moi pour prendre la suite de ce que tu viens de dire, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé divertir, que ce soit par la vidéo ou le son avec la radio, et c'est vrai que j'étais très diverti par tes vidéos sur Minecraft, puisque c'était surtout la série des Panda Adventures qui m'ont beaucoup plu, voilà, où tu étais sur une île et du coup on te voyait faire plusieurs défis. Et c'est vrai que du coup je me suis dit bon bah on va tenter aussi le let's play. Et au début t'as le choix entre soit faire des vidéos en one shot, c'est à dire une vidéo un seul épisode, c'est à dire tu joues à tel jeu, ça dure un épisode, tu présentes un jeu, ça dure un épisode et c'est fini, ou alors tu fais des séries, c'est à dire que tu joues à un jeu et tu le termines jusqu'au bout seul ou à plusieurs. Donc par exemple avec Roméo on fait TNT Craft du coup sur Minecraft. C'est vrai que t'avais déjà fait d'autres vidéos auparavant sur Minecraft, donc c'est pas nouveau, mais disons que ça a permis de partager déjà et de... Ah, puis c'est une expérience différente à deux. Aussi, oui, parce que dans tous les cas, ça, de toute façon, selon la personne qui fait la vidéo, ton point de vue n'est pas le même, tu l'appréhendes pas de la même manière. Mais c'est vrai que, bon, bah, au début, je faisais j'ai fait une vidéo, une série de vidéos sur Lego Star Wars, parce que j'adore les jeux Lego. Mais c'est le simple fait de le plaisir de partager, de divertir. Après, c'est vrai que toi, Seb, qui est peut-être un peu moins attiré par cela, moi, je vais te dire une chose. En fait, moi, il m'arrive de temps en temps, je joue aux jeux vidéo, je suis simple joueur. Et de temps en temps, je suis un peu lassé. Je me dis, j'en ai marre de jouer, de devoir interagir et tout. J'ai envie d'être simple spectateur, comme quand tu es avec un ami en train de regarder, en train de jouer à un jeu vidéo, comme on le faisait tous à l'époque. Quand on était petit, oui. Et c'est à ce moment-là que, du coup, le let's play entre en jeu, que tu regardes des vidéos de personnes en train de jouer à des jeux. Après, bien évidemment, tu peux avoir, limité ta dose de let's play. Si tu en regardes toute la journée, tu peux en être lassé. Pareil pour les lives. Mais j'adore cette musique de Minecraft, c'est ma préférée. mais du coup, voilà. Petite détente. Du coup, voilà, c'est grâce aussi, grâce à l'acquisition d'un matos que j'ai pu me lancer là-dessus. Et à un moment donné, je me dis, je vais essayer de créer des petits let's play des formats différents voilà, merci pour l'aide. Par exemple les mystery play, ou c'est à dire que je présente le jeu au moment où tu lances la vidéo. Je donne trois indices et c'est pour présenter des jeux que les gens ne connaissent pas forcément. Ça peut être des jeux indés comme des jeux en ligne, et c'est des vidéos qui sont la plupart, j'essaie de faire des vidéos courtes. Mais voilà, ça peut extrêmement varier et ça peut... Mais c'est-à-dire qu'au moment où on clique sur ta miniature, on ne sait pas encore quel jeu on va regarder. Voilà, on ne sait pas encore quel jeu va être présenté. Alors évidemment, je fais une petite présentation du jeu, puis après je dévoile le jeu. Et à ce moment-là, ceux qui sont surpris, tant mieux, puisque c'est le but justement. Et ça peut être un jeu qui soit... Justement, le jeu peut te plaire, mais si le jeu ne te plaît pas, à ce moment-là, tu te dis bon... Je tente l'expérience, je tente la vidéo pour voir si il arrive à me convaincre à aimer ce jeu. Donc voilà, j'essaie de faire un peu comme toi, hein, c'est-à-dire de varier les formats et de proposer des choses différentes. Mais dans tous les cas, le but principal, c'est de divertir et se faire plaisir, tout simplement. Voilà, d'y prendre du plaisir, c'est vraiment un truc important, parce que c'est vrai que si toi-même tu prends pas de plaisir si tu te forces à le faire, ça se sent et les gens prennent pas du plaisir à le regarder, tout simplement. Ouais. Quoi. Ouais, effectivement. Et puis d'autant plus que c'est vrai que c'est un travail de choisir le jeu, de préparer le matos, de faire le tournage, le montage qui prend aussi beaucoup de temps. Puis des fois, t'as des soucis techniques, hein, genre le logiciel de capture Fraps qui ne prend pas la vidéo, ou le logiciel qui ne capture pas le son. Voilà, et quand tu fais un enregistrement d'une heure et que tu te rends compte que la vidéo n'a pas été enregistrée, là, à ce moment-là, t'es dépité, et soit tu te motives et tu refais la vidéo, soit à ce moment-là, tu te dis « bon, je reprendrai plus tard », mais dans tous les cas, c'est souvent des moments où t'as un peu de temps libre et tu te dis « bon, je vais tourner une petite vidéo pour le plaisir, pour faire découvrir un jeu ou quoi que ce soit ». Mais après, oui, je peux comprendre qu'on puisse avoir une surdose de let's play, voire trop de let's play. Moi, c'est pour ça que je regarde pas les gros let's play comme Benzaï et tout. Moi, les seuls let's play que je suivais jusqu'à maintenant, c'était toi, Trunks, le panda, et Maxime Robinet de la communauté Globetopus, parce que je regardais ses vidéos sur jeuxvideo.com, et parce que j'aimais bien la manière dont il présentait les jeux. Donc voilà. Bon, c'est très intéressant tout ça. On t'a endormi ? Non, du tout. Je vous écoute avec grand plaisir. On va passer un petit peu sur un autre pan de ce jeu vidéo spectacle. C'est donc le streaming. On l'a évoqué un petit peu. Mais pour le définir un petit peu, le streaming, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait de jouer en live. Et en général, dans la très grande majorité des cas, avec la possibilité d'avoir un retour de ses spectateurs. Pour ça, on utilise des plateformes qui sont dédiées. La plus connue maintenant et qui est en situation de quasi-monopole, du moins dans le jeu vidéo, c'est Twitch. Twitch qui fonctionne tellement bien qu'en 2014, elle est rachetée par Amazon pour 970 millions de dollars. Amazon, hein, les gens qui vendent de la litière pour chat et des bouquins pas chers. Voilà. Bon, Amazon, c'est plus compliqué que ça, hein, pour faire une parenthèse derrière, mais Amazon est aussi dans le top 3 des premiers des hébergeurs de services internet. On le sait rarement. De temps en temps, il y a des petites des grosses pannes, donc du coup on en entend un peu parler dans les médias généralistes. Non, mais c'est comme si eBay Amazon ne vend pas que des voilà. Non, mais c'est comme si eBay s'associe avec Mythic, quoi. Cela dit, eBay fut un temps a été propriétaire de PayPal et de Skype. Ah oui, ça je savais pas, voilà. Tu vois. T'as des boîtes qui passent dans des mains. En fait, ils avaient racheté Skype pensant en faire une plateforme qui permettait d'intégrer la mise en relation acheteur-vendeur. D'accord. Sauf que personne n'a envie de faire du Skype avec son vendeur quand il a. Enfin bref, ça marche dans les deux sens. Hein. Je sais pas vous, mais. Ouais, non, c'est un peu chelou. J'achète un truc sur eBay, délire, j'ai pas spécialement envie de faire du Skype avec le mec. T'as juste envie de recevoir ton truc et bref, bon, c'est ça. Mais voilà, donc quand même une très très très grosse valorisation. Pendant longtemps, on n'a pas su ce qu'ils allaient en foutre d'ailleurs. Et puis là, ça commence à arriver un petit peu. Amazon intègre, comme ils le font avec tout le reste, intègre son abonnement Premium chez nous. Avec des services annexes, voilà, etc. Et donc maintenant, ça commence à être intégré avec les clients Amazon Premium commencent à bénéficier de facilités sur Twitch. Sans que Barbie ait une blague. Une question de la part de Barbie ou une blague, juste peut-être. Une petite parenthèse. Ce que tu as dit sur le Skype, tout ça, de voir ton acheteur ou ton vendeur, ouais. Tu vois. Imaginez, vous avez Skype qui s'ouvre. Bah alors, Ginette, tu l'as reçu le. Voilà, alors le problème c'est que ce mec ne va jamais jusqu'au bout, il se fait rire tout seul. Ça me fait énormément rire, enfin, ça serait vraiment n'importe quoi. Vas-y, respire. Ça serait vraiment n'importe quoi. Parce mais finis ta vanne. Bah, en fait, je sais pas, Ginette, tu l'as reçu le Godemiché, t'es là, ton Godemiché devant la cam. Ouais, impeccable, il vibre super bien, par contre, faut changer les piles parce que ça colle quoi. Super. Voilà, ça serait très marrant quoi, je suis désolé. Ça aurait été marrant, mais. Le bon cul, faut pas aller plus loin. Malaise sur 20. Le bon cul après le bon coin, non, c'est ça. Voilà. Bref, on pourrait parler de quelque chose de plus épique sur une telle musique. J'avoue, ouais. C'est plus épique que le God de Ginette. Ouais, je sais pas s'il y a grand chose de plus épique. Donc Twitch, c'est ça le principe, bah, c'est qu'on ouvre une chaîne comme sur YouTube, sauf que bah, là, on va faire une diffusion en live depuis la source de son choix. Alors, ce sont des moyens techniques un petit peu plus importants en général. Oui, effectivement. Voilà, surtout si on veut faire de la capture. De console ou de choses comme ça, etc. C'est un petit peu plus de boulot. Et comme vous le disiez, c'est un peu plus d'endurance aussi, parce qu'en général, on est là pour plusieurs heures, parce que les gens, j'imagine, viennent, partent. Enfin, forcément, on n'a pas les mêmes spectateurs pendant plusieurs heures d'affilée. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Ça arrive d'avoir un téléspectateur pendant 5 heures d'affilée, très endurant. Voilà. D'autant plus que ben, sur un modèle de médias classiques, de télévision, de radio, on leur impose un horaire de diffusion. Donc, il faut forcément, j'imagine, faire campagne un petit peu en amont. Pour oui, avoir du monde, parce que forcément ça vient pas comme ça. Même si Twitch présente. Donc Twitch est dédié, on l'a dit, aux jeux vidéo. Et Twitch sur sa homepage présente. Présente tous les canaux qui diffusent chaque jeu. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on déclare le jeu sur lequel on diffuse. C'est ça. C'est tellement dédié aux jeux vidéo d'ailleurs qu'on a le droit de faire que du jeu vidéo. Sauf exception, Twitch s'ouvre de plus en plus aux exceptions, il me semble, mais c'est quand même assez restreint. Et du coup, c'est un peu problématique des fois quand tu fais du stream sur un jeu pas très connu et que ton jeu n'est pas dans la liste. Voilà, tu ne sais pas trop quoi faire. Ah, du coup, tu peux pas streamer sur ce jeu-là. Si tu peux, mais tu dois mettre un jeu au pif en fait. Voilà, parce que quand tu joues à un petit jeu indé qui vient de sortir, il est forcément pas dans la liste et du coup, c'est très vite embêtant. Et ça arrive des fois, même sur des gros jeux. Hein. Même en passant, par exemple, ton jeu il est pas dans la liste. Si tu contactes par mail. Alors après, je sais pas, je suis jamais allé plus loin. Moi, je me suis pas trop fait chier. Ça m'est déjà arrivé une fois et je me suis dit, bon, tant pis, je laisse le même jeu que j'avais avant. Les gens ils verront que c'est pas le bon. Tant pis quoi, c'est pas grave. Mais c'est vrai que ça fonctionne bien ce système là quand tu veux voir des vidéos sur un jeu en particulier. Je sais que par exemple, je sais pas, le mec il va avoir des vidéos de League of Legends. Ben voilà, il tape League of Legends, il a tous les streams de League of Legends et puis t'as des petits drapeaux pour voir dans quelle langue c'est. D'accord. Donc du coup, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, je sais pas s'il y a énormément, à part des gros jeux comme ça, comme le League of Legends, comme DayZ, H1Z1, Counter-Strike, des choses comme ça, je sais pas s'il y a beaucoup plus, à part les plus gros jeux du moment, s'il y a beaucoup de gens qui trient par jeu comme ça, je pense que les gens regardent plutôt par créateur, pareil, enfin par streamer, que par jeu, un peu comme les youtubeurs du coup. Voilà. Et c'est vrai que quand tu vois les pays, les drapeaux de pays, c'est vrai que ça te permet de voir d'autres, plus facilement d'autres streamers. C'est vrai que c'est toujours marrant de voir un Polonais qui débarque dans ton stream, dans le chat. Bon, tu comprends pas trop ce qu'il dit, mais voilà, c'est un échange, tu vois. Le gars, il vient, il voit ta vidéo, il voit ce que tu fais et tout. Et puis voilà, c'est totale liberté. Alors moi, je vous avoue que Twitch, quand tu faisais des lives sur les Twitch, alors je ne sais pas si c'était parce que j'avais une mauvaise connexion à ce moment-là, mais mon PC avait du mal à lire les lives Twitch. Par contre, sur Hitbox ou YouTube, aucun problème, ça a toujours été aussi clean, aussi fluide. Donc je sais pas, peut-être parce que Twitch est plus lourd au niveau du serveur ou. En tout cas, Hitbox c'est une autre plateforme qui est très semblable à Twitch, et YouTube c'est récemment, on va dire il y a un an, quelque chose comme ça, ou deux peut-être, ouvert au stream, mais c'est pas encore hyper stable pour le moment. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire clairement ils s'ouvrent tous au stream, hein, oui. même plus généralement Facebook, bah oui, maintenant Facebook, permet de faire du streaming live aussi, etc. Mais bon, c'est un peu problématique les streams sur YouTube. Enfin, c'est très bien quand t'as une chaîne YouTube parce que du coup t'as plus d'audience, parce que du coup tous tes abonnés voient que tu fais un stream. Le problème c'est que ça te limite à 30 fps et l'encodage est un peu merdique, donc voilà, et qualité moindre. Et YouTube applique ces mêmes restrictions en termes de contenu et peut te couper dans la seconde qui suit s'il détecte un truc aussi, toujours ce genre de choses. Alors évidemment, comme les mecs c'est pas des philanthropes, ils ont fini par trouver un modèle économique aussi pour le streaming. Oui. Et donc il y en a plusieurs, même propre constat, on est principalement sur un modèle à base d'abonnements en grande partie et de donations, qui sont des outils qui sont proposé directement sur Twitch. Ou quand t'es très chanceux et qu'un gars du Qatar aime ce que tu fais, il te balance 10 000 balles comme ça. C'est déjà arrivé, mais ça reste assez ponctuel. Moi, en tout cas, c'est du mécénat. Ou du blanchiment, ça dépend pour comment on voit le truc. Il y a aussi le système publicitaire sur Twitch, Hitbox. Tous les streamers ne le font pas, parce qu'il y en a qui vivent très bien avec leurs abonnés. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui font que du stream, donc qui ne vivent que avec leurs abonnements et leurs dons. Mais c'est vrai qu'il y en a qui font de la pub. Alors, elle est à des moments précis. Par exemple, le mec, il va faire une pause. Il dit, bon, bah voilà, il prévient, là, c'est la pause pub, quoi. Et le mec, il va pisser, puis il revient, il y a 5 minutes de pub. C'est ça que j'apprécie. Parce que je regarde sur... qu'on te dise qu'on a pissé sur Twitch. Non, sur Twitch. Oh, il va pisser, je l'aime bien, lui. Je regarde pareil des vidéos d'Airstone sur Twitch. Je suis, donc, comme j'avais dit au début de cette émission, l'Arma TV, donc les professionnels français de Hearthstone, et les mecs ils jouent, font 4-5 parties. Parle plus dans ton micro, mon cher ami. Je parle dans mon micro. Voilà. 4-5 parties, ils disent, bon ben là, 5 minutes de pause. Ouais. Tu vois, ils préviennent qu'il y a une pause. Ce qui était obligé, hein, sinon tu décèdes. T'es tranquille. Bah oui, il y a déjà eu un décès récemment. Il était chinois, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas le chinois qu'ils ont retrouvé comme bloqué devant son PC. C'est un gars, je crois que c'est un américain, il avait fait un live pendant moins 24 heures, je crois. Et à un moment donné, il est parti aux toilettes et du coup, il est jamais revenu. J'avais lu ça. Il est jamais revenu et il a fait une crise où voilà, il est décédé quoi, en plein live. Ah ça, c'est en plein live. C'est chaud quand même. C'est pour ça que faut un peu de modération. Ouais. J'imagine le chat pendant l'absence du mec au bout d'une heure et tout. Hey, tu poses une brique. C'est le problème du live, effectivement, c'est que t'as pas le droit à l'erreur. On ne parlera pas du sweating. Ouais, j'ai failli un truc dégueulasse. On vous laissera taper ça dans votre moteur de recherche. Ouais, et puis faut pas donner les idées. Ouais, voilà, mais bon, si ça vous intéresse. Ouais, non, c'est complètement débile. Cherchez tout seul. On va pas. Et après, voilà, il y en a qui mettent justement ces publicités à certains moments. Bon, c'est eux qui les déclenchent. Il y en a d'autres qui préfèrent, du coup, pendant leur pause, mettre des petits génériques, des jingles. Moi, je sais que par exemple, quand je fais une pause, vu que je suis un panda, bah, j'ai un espèce de panda qui évite des lasers, qui se fait tirer dessus et qui court dans tous les sens. C'est et épique. Puis, voilà. Puis après, il y en a qui s'en battent les couilles, du genre Benzaï qui laisse sa webcam comme ça vide pendant un quart d'heure. Qui revient au bout d'un moment. Mais voilà, c'est vrai que les plus gros revenus sur Twitch restent quand même les abonnements. Donc les abonnements, ça peut permettre plusieurs choses. Ça peut permettre soit d'avoir, par exemple, plus de smileys, de choses comme ça sur le chat. Certains qui sont plus restrictifs, alors ça va vraiment être les très très gros streamers qui ont une énorme communauté et que le chat ne désemplit pas, où il faut être abonné pour pouvoir parler sur le chat. Il y en a qui font ce fonctionnement là aussi. Et les abonnements, souvent, c'est entre 3 et 5 euros par mois, un truc comme ça. Et puis après, voilà, les dons ponctuels. Et les dons, ça aussi, une autre chose, c'est que en fait, on peut écrire un message quand on fait un don. Et du coup, sur le chat, on voit quand il y a beaucoup de monde. C'est vrai que quand il y a 2000 personnes qui écrivent en même temps, c'est horrible. Le streamer ne peut pas voir ce qu'il y a sur le chat. C'est et horrible. Certaines personnes veulent passer une vanne ou lancer une information. Et du coup, ils font un don, par exemple, juste 1 euro, juste pour dire un truc, une petite phrase. Oui, j'en vois énormément. Des C'est vrai qu'en tant que spectateur, quand tu... Quand tu regardes un live d'une personne qui pour le moment est pas énormément connue comme Benzaï et que tu as le plaisir non seulement de suivre la vidéo mais aussi de pouvoir commenter et discuter avec les gens, par exemple maintenant les vidéos de Globtopus en live, c'est très compliqué de pouvoir chatter quand tu as énormément de monde. Ah, mais sur Benzaï, c'est pareil, et Benzaï laisse tomber. Infect. Benzaï, c'est ça défile tellement vite que et encore plus pour les modérateurs, parce que moi à un moment donné j'étais modérateur pour les lives de Globtopus. Ça va, on était plusieurs, on était trois modérateurs, donc on arrivait à gérer certains dépassements. Mais quand tu as des lives où il y a un commentaire toutes les millisecondes, tu peux juste regarder la vidéo, mais autant regarder la vidéo quand elle a été préenregistrée, quoi, parce que tu peux pas échanger avec la personne, tu peux pas. Oui, effectivement, ouais. Ça va tellement n'importe quoi, puis les gens enfin surtout des conneries, être mal orthographié, donc. Et oui, et quand tu disais aussi énormément de conneries dans les chats. Sur le temps passé, c'est vrai que les lives sont souvent le soir. Donc c'est vrai que bon, quand c'est la journée, ben quand tu travailles, tu peux pas trop quoi, mais à moins que tu le fasses en douce, hein, tu mets le PC et puis voilà. Ouais, je suis sur le dossier. Je vais regarder un live de Crawling Flesh qui stream tous les jours à partir de 14h. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est souvent le soir, et c'est vrai que quand c'est les lives qui sont souvent à partir de 22h, c'est vrai que tu as le temps de faire ce que tu dois faire la journée, et le soir quand tu veux te détendre, voilà, tu regardes un petit peu un live, mais bon, Après, c'est de toute façon, il faut correspondre aux horaires de ton public aussi. Ah oui. Parce que j'imagine que si tu fais des lives que dans la journée tout le temps, il faut que les gens soient là, donc potentiellement. Oui, après, c'est un choix. Par exemple, je disais que Crawling Flesh, lui, il fait des lives que la journée, il me semble, genre, je crois, de 13h ou 14h à 17h tous les jours quasiment, enfin, toujours de la semaine en tout cas, peut-être le week-end. Et c'est vrai qu'il a moins de gens, mais il a des gens très réguliers par contre. Bah, au moins, tous ceux qui ont des horaires particuliers, ils peuvent, bah, ceux qui travaillent la nuit par exemple, au moins ils peuvent suivre les lives de Chronic Flesh. Ah oui, c'est sûr. C'est, au moins. Mais après, c'est pareil, Benza, lui, il a des horaires encore plus pétés, c'est-à-dire qu'il commence à 1h ou 2h du matin et il finit à 6-7h. Mais alors, c'est-à-dire que Benza, il touche un public francophone, mais si j'ai bien compris, lui, il vit plus en France depuis un moment, ouais, donc il a peut-être un petit décalage. Oui, et puis aussi même volontairement, vu qu'il bosse chez lui, en fait, il s'est calé sur le rythme américain pour pouvoir suivre les actus américaines. Et du coup, voilà, en fait, c'est juste qu'il se lève chez lui, il se lève à 14h et il commence. Pense pas assez à ça. Voilà. Et il commence à streamer un peu plus tard. Ouais. Mais du coup, en fait, lui, pour lui, il commence à streamer en début de soirée, ce qui est la fin de soirée pour les gens. Pour lui, c'est le début de soirée. Et puis, la double fait partie de ces gros qui ont double activité maintenant, c'est-à-dire qu'ils streament pour lui et qui streament dans le cadre des événements organisés par Nvidia aussi. Ah oui, aussi. Ouais, voilà. Donc du coup, ça fait double taf. Et j'imagine que là, quand c'est Nvidia qui fait, c'est Nvidia qui dit tu bosses à telle heure. Ah, je suppose. J'imagine. Ah, sûrement. Comment on aborde un stream par rapport à la vidéo YouTube dont on sait très bien qu'on va pouvoir la monter, la mixer, etc. Oui. Comment on aborde ça, sachant qu'un temps mort dans le jeu, c'est un temps mort potentiel. Ah, c'est surtout Roméo qui va pouvoir prendre une anecdote toute bête, mais donc je vous l'ai dit, je suis assez peu consommateur de stream. Mais il y a pas longtemps, on faisait tout un battage autour de PlayerUnknown's Battleground, le Battle Royale, là, et ça avait l'air assez cool, mais comme il est en accès anticipé et tout, et qu'il fallait quand même sortir 30 balles, je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Du coup, j'ai été sur Twitch, j'ai été voir un peu les tops français, je suis tombé sur DJ Boucherie, un truc comme ça, voilà, un taré. Et pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble, alors le problème, c'est que le jeu en lui-même, le Battle Royale, on passe beaucoup de temps, pas forcément à attendre, mais on passe beaucoup de temps dans un calme tout relatif, parce qu'il y a une grosse tension quand on est joueur. Oui. Donc je fais juste une parenthèse pour expliquer ce que c'est un Battle Royale. C'est 100 joueurs qui sont largués en même temps sur une île, à poil avec aucun équipement. Il faut tout ramasser sur place et c'est au dernier qui va être en vie, sachant que la zone de jeu se réduit de plus en plus au fil du temps. Il faut s'entretuer. On est obligé de s'entretuer, on est obligé de se rapprocher. Il y a ce système sur pas mal de jeux. Principe du Battle Royale. Là. Donc du coup, on passe potentiellement beaucoup de temps où c'est très calme dans le jeu. C'est assez tendu pour le joueur parce qu'il sait qu'il peut se prendre une bastos qui va siffler derrière l'oreille à n'importe quel moment. Mais en tant que spectateur, c'est assez calme. Et quand on regarde un live comme ça, lui en l'occurrence, il essayait d'animer comme il pouvait, mais il y a quand même énormément de temps mort. Et je me suis dit, on avait déjà l'émission en tête à ce moment-là. Je me suis dit, putain, ça doit être quand même compliqué, surtout sur un jeu comme ça qui se suffit pas à lui-même, quoi. Ça va être assez compliqué de meubler et de rendre ça relativement dynamique. Alors, y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que même s'il y a des moments de temps mort, en fait, en live, c'est pas trop gênant parce que du coup, il y a le chat et du coup, même pendant les temps morts, du coup, les gens discutent entre eux dans le chat. Donc déjà, ça, c'est une chose, c'est que les gens, ils sont pas non plus totalement inactifs. Contrairement à quand ils sont devant une vidéo YouTube, même s'ils peuvent mettre pause et mettre un commentaire, il y a quand même une discussion dans le chat. Et puis nous, des fois, on est là, on met pause ou on attend deux secondes, on regarde le chat. Enfin, après, ça dépend du setup de chacun. Il y en a qui ont le truc juste à côté. Mais c'est vrai que moi, des fois, je mets un temps mort, je regarde le chat, qu'est-ce qui se passe. Je remonte un peu, je lis un peu, ah là, vous parlez de ça. Puis du coup, je réponds aux gens. Et des fois, c'est vrai que ça relance un sujet ou ça lance un sujet tout simplement. Et ça me permet de meubler des fois quand j'ai rien à dire, en tout cas pour ma part. Après, quand il y a vraiment des moments soit de blanc parce qu'on n'a plus rien à dire, soit des moments de blanc parce qu'on, à cause de la fatigue, hein, tout simplement parce qu'on souvent, comme disait Thierry, les streams c'est souvent le soir et c'est souvent pendant assez longtemps. Enfin, il y en a qui streament que pendant une heure et demie et qui font ça tous les jours. Moi, je suis plutôt à faire ça une fois et le faire 4-5 heures. Chacun son délire. Mais après, c'est vrai que les gens sont assez réceptifs et s'en plaignent pas trop. Mais il y a des gens qui sont quand même des surhommes, enfin des surhommes ou des surfemmes, hein, je dis surhommes au sens au terme général, mais il y en a qui sont des grands malades et qui arrivent à avoir aucun temps mort et qui ont une énergie débordante, je sais pas s'ils tournent au nucléaire ou quoi, mais je pense à des mecs comme par exemple Zerator qui passent leur temps à hurler, mais qui parlent très très fort et qui font des streams sur des jeux, comme tu disais par exemple ce style de jeu où il y a beaucoup de temps mort, je pense par exemple à H1Z1 ou à DayZ. Où c'est pareil, on doit récupérer des choses et on s'entretue à la fin et la zone se rétrécit. Et du coup, il arrive à meubler constamment un truc où des fois il se passe absolument rien, mais avec une énergie débordante, et ça pendant plusieurs heures d'affilée. Je trouve ça assez incroyable, et pour moi c'est plutôt surhumain. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont capables. Je rebondis un peu sur ce que je disais il y a un moment sur Squeezie, quand je disais que ce qu'il fait, il le fait très bien et que tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est un peu ça. Et c'est pareil, ce genre d'animation, ce genre de stream, être concentré sur un truc, parce que ça demande quand même énormément de concentration, parce que c'est vrai que quand on joue chez soi, sur son canapé, devant sa télé ou devant son bureau, on joue pas de la même manière que quand on fait des vidéos et quand on stream, parce que on parle pas, on est concentré sur notre truc et on joue toujours beaucoup mieux. Et c'est vrai que quand on joue devant des gens, et bien vu qu'on parle en même temps, on n'a pas le même niveau de concentration, on se concentre à moitié sur le jeu, à moitié sur ce qu'on dit. Et tout ça, c'est pas facile à gérer et ça demande vraiment énormément d'énergie. Moi, je sais qu'au bout de plusieurs heures de stream, je m'écroule. Enfin, le temps que l'énergie retombe quand même. Mais après, je m'écroule, je suis vraiment crevé. Et c'est assez impressionnant, en tout cas, les gens qui arrivent à faire ça. Mais les gens sont assez compréhensifs et moi, ça m'a jamais posé de problème. C'est vrai, quand il y avait des temps morts sur des jeux. Et ce qui est bien sur le stream aussi, c'est qu'on peut... Tu vois, par exemple, on avait prévu, je sais pas, de faire 3 heures sur un jeu. Et au bout d'une heure et demie, je suis là, bon, les gens, écoutez, je commence à me faire chier, j'en ai un peu marre. Ça vous dirait qu'on passe sur tel autre jeu? Et les gens, ils font, ouais, ok, vas-y. Et donc, on peut évoluer un peu le truc. On peut faire du freestyle, on n'est pas obligé de tout le temps. Oui, voilà, c'est ça. Et ça, c'est un peu ce qui est bien sur le stream, c'est que ça évolue un peu comme on le souhaite et par rapport à notre énergie aussi. Et puis par rapport au temps mort, des fois, on en a besoin de ces temps morts selon le jeu ou... Je veux dire, c'est clair que si c'était une vidéo Minecraft que le mec gueule tout le temps, à un moment donné, t'as un peu envie de profiter du jeu, ou même quand c'est un jeu qui instaure une ambiance, par exemple un jeu de peur, c'est vrai qu'un jeu de peur, des fois le gars il commente pour se rassurer, parce qu'il oui. a un peu peur face au jeu, donc il prépare un petit peu le moment où il va crier, mais quand à un moment donné tu faisais un live sur Assassin's Creed, même les temps morts ça me gênait pas du tout, enfin moi je regardais un petit peu le chat, mais ça m'empêche pas de profiter du jeu ou quoi que ce soit. Je suis pas du genre à se dire oh il parle pas, c'est nul, tu vois. Moi je profite de l'instant. Et c'est vrai qu'on regarde pas non plus un stream comme on regarde un film par exemple. On va pas forcément être à fond concentré tout le temps dessus pendant plusieurs heures. Alors des fois on va être à fond dessus pendant une heure ou quoi, et des fois on fait autre chose à côté, on traîne un peu sur internet, on a le live à côté ou en fond, ce genre de choses. C'est vrai que moi par exemple je sais qu'en tant que consommateur, je regarde énormément de let's play par exemple en mangeant le midi ou le soir avant de me coucher, et je suis pas non plus tout le temps à 100% dedans. C'est vrai que c'est des fois sur des moments où j'ai pas envie de regarder une série ou un film parce que je sais que je vais pas être à fond dessus et que je vais louper des choses, et du coup je préfère regarder du let's play. Je sais que ça me demande moins de concentration et c'est plutôt cool ça aussi. En fait, tant que c'est sans prise de tête, ça va, quoi, parce que si tu te prends trop la tête à te poser trop de questions, à exiger certaines choses et tout, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu prends moins de plaisir en fait à regarder des streams ou à en faire tout simplement, quoi. Ah, bien sûr. Mais après, c'est vrai que sur certains jeux, c'est plus délicat. Enfin, je sais que il y a des jeux qui s'y prêtent plus et il y a des streams. Moi, j'ai déjà regardé. Je suis un psychopathe, mais je suis pas resté très longtemps parce que c'était vraiment chiant. Je suis déjà allé sur un stream sur Euro Truck Simulator 2. Voilà. C'était pas le plus passionnant du monde. Il adore ça, Seb. Moi aussi, j'adore Euro Truck Simulator 2 en plus. Alors, je suis un grand fan d'Euro Truck, mais typiquement, je kiffe de jouer à Euro Truck parce que c'est un truc qui te prend pas la tête. Et ça te détend. Pour moi, c'est le Transformers, tu vois, c'est le blockbuster du jeu vidéo. C'est le truc où tu débranches le cerveau. La première fois où j'ai découvert Euro Truck, j'ai passé un week-end quasiment entier. J'étais sous un plaid sur mon truc. En plus, j'étais un peu malade. J'ai relié Strasbourg-Bayonne. Avec la manette. Non, mais tu sais, beaucoup de gens ne comprennent pas ce jeu. Avec la manette, merci les manettes sans fil, tu vois, sous ton plaid comme ça. Tu regardes l'écran, tu fixes l'écran, t'as la pizza à portée de main. Je fasse le ping. C'est hyper con. C'est hyper con, mais voilà. Par contre, je pense vraiment pas que je kifferais de regarder quelqu'un jouer à Euro Truck. Je pense que t'y prends absolument pas de plaisir. Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit barbu et que le mec fasse des commentaires tout le long avec Rire et Chanson qui tourne. Tu sais, je déconne, mais c'est ce que je faisais, je mettais Rire et Chanson aussi. Ça. Ouais, j'aurais mis pareil au RMC. Je me mettais dans le mec, voilà, Rire et Chanson ou RMC, je pense que t'es dans le trip routier, tu sais. Mais routier sérieux, routier blagueur. Il y a un youtubeur français qui est camionneur dans la vraie vie, qui fait un let's play sur Euro Truck Simulator qui dure depuis 150 épisodes, qui s'appelle La Chronique du Routier, un truc comme ça. C'est une fois par semaine. Énorme. Et en fait, le truc, c'est que. Il lance des sujets à chaque fin de vidéo et les gens en parlent dans les commentaires et sur la semaine d'après c'est ce qui lui fait le sujet de sa vidéo et en fait pendant sa vidéo Euro Truck c'est plus une conversation c'est plus une discussion qu'il fait avec les gens, il parle de certains sujets voilà, qui sont en rapport ou non avec le jeu, en général c'est pas en rapport avec le jeu, des fois c'est en rapport avec le métier ou quoi, mais cela dit c'est tellement et du coup en fait tu regardes ça plus comme une vidéo détente, actu et tout, plus que comme une vidéo de gameplay quoi au final, c'est plus un support qu'autre chose. Comme un autostoppeur quoi. Oui, fait. Voilà, un peu, c'est ça. Et finalement, j'ai pas regardé toutes les vidéos parce que c'est imbuvable hein, d'un coup. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois par semaine, de temps en temps, je vois passer la chronique routière, je me dis, ah tiens, voilà, je la mets, j'écoute. Et franchement, ça passe super bien. Ouais, c'est le genre de jeu où tu peux parler facilement d'autres choses à côté. Genre, le bazar de grenier, quand ils font des FAQ, ils jouent à Euro Truck Simulator. Oui, voilà, c'est ça. Les FAQ, c'est... Et ça passe nickel. Avec le dé en moumoute intégré au rétro, là, l'intégration dégueulasse qu'ils ont mis par-dessus. Ah, c'est fabuleux. Mais c'est complètement différent. C'est autre chose, on va dire. C'est pas un truc qu'on va regarder. Oh, je vais regarder du beau jeu, des beaux kills. Non, c'est sûr, là, on va pas regarder. Oh, il a fait un super créneau, oh, putain. Ah, t'as grillé un feu rouge. Tu déconnes, mais dans Euro Truck, un bon créneau, c'est pas toujours évident. C'est parfois, hyper ça chaud. Tient vraiment de la performance. Hein. J'ai dû m'entraîner aussi pour faire les créneaux en remorque. Et c'est très compliqué. Heureusement qu'il y a le truc rapide. Bref. On parlait justement de l'énergie que ça prend de faire tout ça, en particulier les streams. Mais bon, j'imagine que pour les vidéos, c'est pareil, entre la préparation, le montage, etc. Et après, il faut attendre la publication qui dure des heures sur YouTube. Et encore plus, quand tu vis dans une maison avec d'autres gens qui habitent quand tu vis pas seul chez toi et que du coup, t'es obligé de mettre une pancarte devant ta porte, enregistrement, pas de bruit, ça, faut intégrer ça à son quotidien, ouais. Si demain, hors de toute considération de succès, etc., mais si demain, ça se mettait à marcher suffisamment, et en gros, si vous avez demain une opportunité de switcher là-dessus et d'en vivre, est-ce que c'est une reconversion que vous envisageriez ? Moi, complètement. Pareil. Mais, c'est en gros, est-ce que tu te vois à partir de demain plus faire ton taf et te consacrer à ça exclusivement? Oui, j'en serais capable en tout cas. Ouais. J'en serais capable et l'envie serait là. Après, ça serait un investissement plus grand dans le matériel, au niveau isolation, ce genre de choses, avoir des trucs plus propres pour faciliter la chose, on va dire, et pas galérer une demi-heure avant chaque vidéo, tout installer, ce genre de choses, avoir un setup beaucoup plus optimisé. Mais oui, moi j'en serais complètement capable. Je dirais pas que je ferais ça toute ma vie, hein. Je sais même pas combien de temps ça va durer, parce que c'est un phénomène, hein. Faut pas oublier que de jour ou l'autre ça peut changer, ça tu peut s'effondrer. Fais une transition parfaite pour dans 5 minutes, je te remercie. De rien. Mais du coup, oui, moi carrément, j'en serais capable et je le ferai, je pense, avec plaisir. Mais c'est un vrai travail, c'est une organisation, c'est-à-dire qu'il faut se faire un planning. Tel jour tu vas faire telle vidéo, tel truc, tel jeu, machin truc. Après, quand tu fais vraiment beaucoup de vidéos, des fois ils font prendre un monteur à côté. Enfin, c'est vraiment, c'est toute une organisation. Et il faut pas avoir peur du retour de la communauté, parce que c'est vrai que c'est assez dur. Il y a des gens qui le vivent très mal et il y a des gens qui arrêtent les vidéos parce qu'ils se font insulter dans les commentaires, ils se font clasher. C'est une communauté très internet d'une manière générale, mais dans le jeu vidéo j'ai l'impression que internet d'une manière générale plus c'est très difficile. Moi personnellement, je m'en fous complètement. Je me suis déjà fait insulter dans les commentaires. Moi, à chaque fois que je vois une insulte, je me marre en fait. Ça me fait marrer parce que les gens, je me dis, mais ils ont vraiment que ça à foutre de s'abonner à ma chaîne et d'attendre que mes vidéos sortent pour mettre un pouce rouge et pour m'insulter. Et je me dis, mais je me régale quoi. Franchement, t'as que ça à foutre de ta vie. C'est trop bon quoi. T'as vraiment une vie de merde, sérieusement. Et du coup, souvent, je leur réponds et c'est assez rigolo. Et je sais qu'il y a des gens qui le prennent pour eux. Il faut surtout pas quoi. C'est vrai que les gens, ça les blesse directement et En fait, tant que c'est constructif, une critique constructive, voilà. Ah oui, c'est toujours bon à prendre. Mais bon, j'ai déjà reçu des commentaires genre t'es qu'une sale merde. Ok, c'est cool. Moi, juste souvent, je réponds ok avec un petit cœur, tu vois, genre des trucs comme ça. Et ça les fait trop rager parce que tu vois, genre oui, moi aussi, je t'aime, tu vois, genre. Après, quand tu parles d'opportunité, c'est-à-dire si un jour quelqu'un nous proposait de... Oui, quand je dis opportunité, c'est ça, c'est-à-dire de simplement pas réfléchir à la question au sens est-ce que tu penses que c'est envisageable ou un truc comme ça, mais ah oui, non, en gros, si ça l'était, est-ce que toi, si t'as le choix tel quel, c'est tu continues ton taf, hein, ce qui te fait gagner ta croûte aujourd'hui, ou tu te consacres temps plein à ça, est-ce que tu fais le choix de te consacrer temps plein à ça, justement? Bah, disons que quand tu as un emploi, ce qui est mon cas actuellement, c'est assez compliqué de prendre ce risque, en fait, de se dire est-ce que je suis prêt à prendre ce risque, à tout quitter pour me lancer là-dessus à fond. Si tu as une certitude que ça va marcher, parce que je sais pas, pour telle ou telle raison, à ce moment-là, je vois pas ce qui te retient. Mais après, quand tu... Là, actuellement, non, je serais pas au point, d'autant plus que mon boulot, j'essaie en gros de faire ce qui me plaît, c'est-à-dire dans l'animation et tout. Là, je suis animateur pour des personnes âgées, voilà. Je le dévoile. Et je sais qu'à partir de novembre, il y a de fortes chances que je sois à mi-temps au niveau du contrat. Donc à ce moment-là, j'aurai du temps soit pour trouver un autre job dans quelque chose qui me plaît, pourquoi pas dans le culturel ou l'audiovisuel, ou reprendre des vidéos avec un temps beaucoup plus disponible à consacrer là-dessus. Après, c'est vrai que comme a dit Roméo, c'est vrai que quand on fait du let's play, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, tant qu'on varie les formats et qu'on varie les contenus, ça va. Mais après, c'est vrai que t'as envie, je sais pas, de faire des chroniques, sûr, mais faut pas avoir peur de faire d'autres choses, hein, que tu sois dans le jeu vidéo ou dans autre chose. Moi, je sais que par exemple, je prends un cas qui est le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est Antoine Daniel, qui a tourné en rond avec ses vidéos What the Cut et qui n'en finissait plus, et qu'il a plus envie de faire ça du tout, clairement, et qu'il s'est forcé à le faire pour la communauté. Et il disait, mais j'ai peur de faire autre chose, j'ai peur de faire un truc différent, de me planter, que vous me détestiez et tout. Puis moi, je lui avais mis un commentaire à un putain de roman qui faisait 100 000 pages, et je lui avais dit, en gros, mais sérieux, sors-toi les doigts du cul, fais autre chose, quoi. Fais ce que t'as envie de faire, merde. Moi, j'en ai plein le cul de ton émission What the Cut qui ressemble plus à rien, parce que ça se voit que t'as plus envie de le faire et que tu te force à le faire. Donc fais autre chose, quoi. Fais ce que t'aimes, et ça plaît à des gens, tant mieux. Si ça plaît pas aux autres, tu les emmerdes, quoi. Et encore, le cas d'Antoine Daniel, c'est aussi très compliqué, parce que c'est un cas où il gagnait déjà sa vie par rapport à ce type de vidéo là avec toute la communauté qui le suivait à ce moment là il avait peur du regard de la communauté, et la majorité de la communauté lui ont dit, mais fais ce que t'as envie de faire. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est quand tu n'as pas encore atteint certains sommets, tu es encore libre de faire tout ce que tu veux, en fait. Tu es encore libre de prendre telle ou telle décision sans avoir une quelconque peur du regard des autres, quoi. Mais en tout cas, moi, pour vraiment répondre à ta question, c'est vrai que peu importe le métier que... Bon, là, par rapport à mon cas actuel, oui, ce serait vraiment avantageux. Mais même si j'étais, je sais pas, ingénieur ou quoi que ce soit, que j'avais un super salaire, si j'avais l'opportunité de gagner juste ma vie correctement, pas forcément un salaire mirobolant, tu vois, avec quelque chose qui me passionne, bon, par exemple, je sais pas, travailler dans le cinéma, travailler dans la photo, travailler dans le jeu vidéo sur Internet, peu importe, eh bien, je le ferais direct. Enfin, pour moi, la passion passe avant le bénéfice ou quoi que ce soit. Et tant que je peux en vivre, moi, ça me va. Et je serais prêt à, même si j'avais 4000 balles par mois, je serais prêt à tout lâcher juste pour pouvoir en vivre d'un truc que j'aime vraiment, quoi. Après, il faut faire attention, parce que quand tu fais quelque chose par passion et que ça devient ton métier, ton regard peut changer aussi. Oui, bien sûr. C'était totalement le sens de ma question. Parce j'adore faire la cuisine, j'y passe beaucoup de temps. Voilà. Clairement, je ne voudrais pas que ça soit mon métier parce que j'aurais peur que ça perde de son charme, j'aurais peur du niveau d'exigence différent, etc. Et c'était totalement dans ce sens-là que je posais la question, c'est est-ce que demain tu te vois en faire ça, ne faire que ça? Là, c'est plus complexe, et du coup avoir un regard différent, tu vois, c'est te dire, c'est bon, maintenant c'est mon taf, je suis obligé d'appliquer un niveau d'exigence qui est professionnel, je sais que je me lance là-dedans et que le jour où je vais vouloir m'arrêter, il va falloir faire une reconversion. Je sais que je vais faire que prendre ce risque qu'un truc qui est un plaisir aujourd'hui et que tu fais pour toi devienne une tâche, et de prendre le risque éventuellement de tomber là-dedans. Alors, oui et en même temps je prendrai mes précautions par rapport à certains trucs, ce que certaines personnes j'ai l'impression n'ont pas fait, ils se retrouvent un peu bloqués maintenant, c'est-à-dire que je ne m'enfermerai pas dans quelque chose, je ne m'enfermerai pas dans une bulle et dans une communauté qui n'attendrait que quelque chose, comme par exemple le cas d'Antoine Daniel ou le cas de certains let's players qui n'ont fait que certaines choses et qui maintenant sont bloqués dans leur truc, parce que s'ils font quelque chose d'autre, ça ne correspond pas à leur communauté, les gens n'attendent pas ça, les gens vont gueuler, ils s'en foutent, enfin bref. Et du coup, si je faisais ça, je ferais ce que j'aime. Sur internet, je ferai des vidéos, mais sans forcément des limites. C'est-à-dire que je m'autoriserai, par exemple, si, même si je suis let's player, streamer et tout, je m'autoriserai à faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. Tu vois, je prends le cas par exemple, c'est quelqu'un qui a fait ça et que je respecte énormément et que je trouve que ça marche super bien et il a eu raison de faire ça. C'est Amixem, qui est aussi connu que Squeezie maintenant, qui à la base faisait juste des vidéos sur du jeu vidéo et après il s'est un peu donné les moyens, il a fait d'autres trucs, des vidéos d'humour par rapport à des sites internet, des choses comme ça. Il a fait des vlogs voyage et maintenant vu qu'il ne s'est pas enfermé dans une bulle, il est payé pour aller à des événements à l'autre bout du monde, ce genre de choses, et il vit d'un truc qu'il adore, c'est-à-dire qu'en même temps il fait des vidéos sur des jeux, en même temps il fait des vlogs voyage, enfin, il fait vraiment de tout, et du coup pour lui c'est pas du tout rébarbatif parce qu'il fait plein de choses mais il fait jamais la même chose exactement quoi. Et c'est ça, c'est sûr qu'il faut pas s'enfermer dans une bulle, parce que moi je me ferais très vite chier à faire tout le temps la même chose, faire que du let's play sur Minecraft tous les jours, au bout de deux mois ça me pèterait les couilles. Merci quoi. Genre, on peut dire que ça casse pas des briques. Voilà, c'est ça. Voilà. j'ai juste une remarque à faire. Tu as dit tout à l'heure que si demain, par exemple, quelqu'un vient et te fait une proposition pour faire que ça, tu es payé à ça, même si tu touches 4000 euros par mois, machin. Imagine, je suis le gros bonnet, je suis un fils de pub. Je viens pour t'employer pour que tu fasses des vidéos que sur des triple A. Ouais, d'accord. Mais pour, on va dire, pour 1500 euros. D'accord. Je connais pas ton salaire actuel, mais bon. Voilà, pour 1500 euros. Mais avec des je sais pas comment on pourrait appeler ça, des genre tu peux dire, tu es obligé de dire tel mot à telle minute. Avec des restrictions, des contrats, voilà. Donc avec des obligations donc, bien précises. En gros, ils t'enferment dans une boîte. Mais c'est ce que tu veux faire. Tu veux faire vivre ça. Eh ben non, ça. Du coup, c'est pas ce que je veux faire. Voilà. C'est pas la même. Donc il faut ça, mais sans la boîte. Voilà, c'est ça. Si je suis enfermé dans une boîte, que je suis obligé de faire certains trucs, que j'ai absolument aucun choix ni aucun regard sur ce que je fais, clairement, non, ça m'intéresse pas. Et une autre question, vite fait. Est-ce que tu n'as pas peur de devenir esclave de ta communauté? Eh bien justement, c'est ça qu'il faut faire tout pour éviter de l'être, quoi. C'est justement ce que je disais, pas s'enfermer dans une bulle. Je veux dire, le jour où on a envie de faire autre chose, enfin, c'est normal d'avoir peur de faire autre chose. Les gens vont pas forcément suivre. Mais je pense qu'il faut quand même le faire plutôt que de s'enfermer dans un truc et de complètement arrêter ce que tu fais. Je veux dire, vaut mieux prendre le risque de tenter de faire autre chose, même qui n'a rien à voir. Et il y a des gens qui vont te suivre quand même, parce qu'il y a des gens qui vont regarder des trucs, pas parce que c'est sur un jeu vidéo, mais parce que c'est toi, tu vois, et qui t'apprécient. Tu vois, moi je sais pas, je dis n'importe quoi, mais un youtubeur qui fait du jeu vidéo que j'apprécie, et demain, je sais pas, il se met à faire des vidéos de cuisine qui sont super cool, ben je vais peut-être regarder ses vidéos de cuisine. Parce que ce mec-là, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien la personne, tu vois. D'accord. J'en sais rien, c'est un exemple comme ça. Peut-être pas, mais il y a peut-être des gens qui vont le suivre. Et il faut pas avoir peur de sortir de sa boîte. Après, c'est sûr qu'il y en a, c'est leur revenu principal. Ils savent très bien que s'ils arrêtent, c'est mort pour eux. Et je comprends qu'ils ne le fassent pas, mais bon, voilà. C'est vrai que j'aurais sûrement peur de ça. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, faut le faire dès le début. C'est pas un truc que tu dis au bout de 3 ans, tiens, si je faisais autre chose que ce que je fais depuis 3 ans tous les jours. Non, c'est vrai que là, une fois que t'as établi un truc, vaut mieux le faire en amont ou progressivement. Mais c'est vrai qu'en amont, si dès le début t'as commencé à faire plein de choses différentes, y a pas de raison que. Y a peut-être différentes communautés qui vont te suivre, bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça quoi. Ok, donc c'est tout bon. Bon, on parlait tout à l'heure de l'aspect phénomène de mode / phénomène de société. Ça va nous faire une belle porte de sortie, je pense, pour conclure sur ce sujet-là. On le voit de par le nombre des créatifs, des vidéastes qui sont présents dans le jeu vidéo et ailleurs, évidemment. Hein, YouTube, c'est pas que du jeu vidéo, par exemple. Toujours au bon moment les Pokémon, hein. Toujours. On le voit aussi de par l'intégration de plus en plus des outils de partage vidéo directement dans les consoles. Je pense à la PS4 avec son bouton share directement. Je pense à un truc que j'ai découvert moi assez récemment sur le pilote de ma carte graphique Nvidia qui intègre directement cette possibilité de faire du streaming. Entre parenthèses, il y a un truc génial, c'est que tu peux enregistrer les jusqu'aux 20 dernières minutes de ton de tout ce que tu fais en fait. Sur une carte graphique Nvidia récente. Kill et du coup. Ouais, c'est je trouve ça absolument génial. Enfin, un peu comme ça se fait sur la PlayStation, etc. Enfin bref, on a de plus en plus d'outils qui sont de plus en plus intégrés, y compris dans des contextes très larges, très grand public. Le bouton share de la PS4, c'est vraiment les mecs l'ont mis sur la manette. L'autre exemple que je donnais avec le pilote, c'est vraiment, enfin, tout le monde l'a nativement. On n'a plus besoin forcément d'aller chercher, d'installer des outils, etc. C'est plus un truc d'expert. Malgré ça, est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu à un pic? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à croître? Est-ce que vous pensez que ça va stagner un petit peu ou que ça va redescendre dans les mois, dans les années à venir? Comment vous sentez le truc? Alors, je pense que les gros vont continuer à croître, ou au moins à être stables. Ils vont pas redescendre, ça c'est sûr. Enfin, malgré l'évolution éventuellement des revenus publicitaires, etc. Ah oui, alors ça peut jouer. Effectivement, ouais. Ça peut jouer énormément. Ça peut changer les habitudes, ça peut changer les plateformes. Ça peut en éliminer certains. Voilà, peut-être que seuls les plus gros des plus gros s'en sortiront, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça reste quelque chose d'instable, hein, YouTube. YouTube comme Twitch, comme n'importe quoi, hein, je veux dire le jeu vidéo spectacle, on sait pas comment ça va évoluer, on sait pas ce que ça va donner dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, et très clairement, là, à l'heure actuelle, tout peut s'effondrer du jour au lendemain. On l'a bien vu avec les événements qu'il y a eu il y a 3 semaines, 1 mois, avec les revenus publicitaires. Je veux dire, des gens se sont retrouvés quand même avec 20% de leur salaire du jour au lendemain, juste à cause de sponsors qui se sont retiré du marché parce que un certain PewDiePie avait fait des allusions nazies dans une vidéo. Et enfin, je veux dire, c'est l'effet papillon vraiment à ce niveau-là. Et du coup, ça reste quelque chose de véritablement instable, beaucoup plus instable que des médias qui sont installés depuis plus longtemps comme la télévision par exemple. Mais voilà, c'est un peu difficile de dire sur l'avenir ce qui pourra advenir de tout ça. Cela dit, le marché de la publicité, c'est vraiment un truc qui touche tout le monde. Ouais. Sur YouTube, c'est l'inertie est moindre, mais la baisse des investissements publicitaires, ça touche même les grands médias. Ah oui, ça touche surtout les grands médias qui sont moins écoutés, lus ou regardés maintenant. Par exemple, la radio, ça les touche énormément parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent la télé que de gens qui écoutent la radio à l'heure actuelle. Ça touche énormément les journaux qui en pâtissent énormément, les quotidiens, tout ça, ils sont en perdition totale depuis qu'il y a Internet parce que les gens, ils préfèrent regarder en quelques secondes leurs infos intox sur Huffington Post que d'acheter Le Monde et consorts. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des... C'est un média qui est nouveau, c'est un média qui va durer, je pense, encore longtemps. Je pense qu'il y a d'autres médias, justement, comme la presse papier et la radio, qui sont beaucoup plus en danger que des médias comme YouTube. Mais on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas quelles décisions vont prendre Google et autres. Et c'est vrai qu'ils peuvent se retrouver, même Google peut se retrouver avec le couteau sous la gorge par rapport à certains droits d'auteur, choses comme ça, et ils peuvent couper court à beaucoup de choses et bloquer énormément de monde. Hein. Mm. On a bien vu ce qu'a fait Nintendo, tous ceux qui faisaient du exclusivement que du Nintendo, ils se sont retrouvés avec la corde au cou, ils ne pouvaient plus rien faire. Quoi. Et puis là, tu ne peux plus rien dire, tu ne peux pas dire « je change de plateforme et tout ». Non, tu vas sur Dailymotion, il y aura 50 personnes, et tu vas sur Twitch, tu n'auras rien non plus. Donc, c'est vraiment délicat, quoi. C'est vraiment délicat. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai que c'est très, très aléatoire. Moi, je pense que ça atteint son pic et que ça risque... Déjà, ça risque pas de baisser, mais je pense pas que ça risque d'augmenter non plus. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui de faire du streaming que ça va changer quelque chose au niveau de la popularité. C'est juste que maintenant, c'est de plus en plus public. C'est-à-dire comme l'époque où, merci au cours de l'IMCA, l'époque où tu avais juste Sony qui faisait des caméras pour les professionnels et JVC pour les caméras pour le public. Puis ça s'est démocratisé. Puis maintenant, beaucoup de gens peuvent faire de la vidéo. C'est au jour le jour, le numérique évolue à une vitesse folle. Et voilà, tout peut arriver, tout peut arriver. Mais c'est vrai qu'au niveau de la publicité, oui, je suis d'accord, ça impacte beaucoup de, beaucoup de gens malheureusement, et puis voilà, l'avenir nous dira ce qu'il en sera. Et surtout que sur YouTube, il y a un très très gros problème, c'est que l'algorithme de proposition YouTube fait que seules les vidéos des plus gros, enfin les vidéos qui ont le plus de vues sont référencées, le plus de vues, le plus de j'aime et le plus de commentaires, et que vous n'avez aucune chance en étant un petit créateur de vous retrouver correctement référencé. Alors qu'il pourrait y avoir, comment dire, un système qui forcément met en avant les plus gros comme c'est à l'heure actuelle, et en même temps sélectionne des vidéos qui, par rapport, on va dire, à leur communauté, ont eu le plus d'impact. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a en moyenne 30 vues sur une vidéo, et d'un coup il sort une vidéo et il a 5000 vues dessus et 300 pouces bleus, tu vois, que lui soit mis en avant, parce que par rapport à sa chaîne, c'est un truc énorme. Donc forcément, c'est une vidéo qui fonctionne et qui est virale par rapport à lui. Et il n'y a rien de tout ça qui est mis en avant, et il y a des gens qui font du contenu d'extrêmement bonne qualité et qui ne sont pas du tout reconnus. Je vois par exemple, il y a un site de presse JV qui s'appelle Gameloft, qui était un très bon site et qui, je pense, va mourir parce qu'ils ont de très gros problèmes financiers, n'arrivent pas à payer les gens et tout. Et ils ont une chaîne YouTube où ils ont du très bon contenu, et dont une émission qui s'appelait Free to Pay, qui était animée par les mecs d'Un Drop dans la Marge, je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Et cette émission, elle me régalait, elle était là toutes les semaines. Bon, là, c'est terminé, la dernière chronique est sortie cette semaine. Et c'était vraiment hyper intéressant. C'était un point de vue satirique de toute l'actu JV qu'il y avait chaque semaine. Et en fait, je pense que ça s'arrête en grande partie parce qu'ils ne sont plus capables de les payer. Alors que c'est un boulot, franchement, c'est une des meilleures. Pour moi, c'était la meilleure émission d'actu JV de tout Internet. Et voilà, et ils sont obligés d'arrêter juste parce qu'ils se font bouffer par les gros, par Webedia et consorts. Ouais, ils ont essayé de faire une levée de fonds parce que Gameloft croyait plus dans l'alternative à la presse en ligne aujourd'hui, qui est aller chercher directement le soutien financier de ses lecteurs, plutôt que de rester sur des modèles publicitaires, des partenariats, etc. Et malheureusement, ça n'aura pas suffi. Ouais. C'est vrai que c'est assez paradoxal de se dire qu'aujourd'hui, par rapport à une certaine époque, il y a énormément de moyens pour faire de la création ou pour faire de la promotion. Mais comme il y a beaucoup de gens et énormément de monde qui font la même chose que toi, du coup, c'est beaucoup plus difficile de sortir du moule, à moins que justement tu puisses faire ta promo en commentaire sous une vidéo très connue. Et à ce moment-là, soit c'est bien vu, soit c'est mal vu, soit c'est carrément la personne elle-même qui fait la promotion de ton contenu. C'est vrai que le joueur du grenier, à l'époque, au tout début de YouTube, si je ne me trompe pas, je crois que c'était au tout début de YouTube qu'il est arrivé. Oui, c'est vrai qu'il était parmi les premiers Français à faire des vidéos sur les jeux vidéo. Surtout des vidéos de ce type-là. Quoi, voilà, ça donc niveau moyen, il disait, on tournait avec des vidéos en 360p. Ouais, caméra de vacances. Voilà, c'est vrai que du coup, vu qu'il n'y avait pas énormément de monde qui faisait ça, c'était beaucoup plus simple de sortir du lot et de grimper, tout simplement. Mais aujourd'hui, les moyens sont tellement élevés. Tout le monde peut faire, de la vidéo, des podcasts, des let's play. Après, tant que tu te dis je fais ça juste par passion à côté du boulot ou quoi que ce soit, là il y a pas de souci. Mais après, si tu veux grimper et vivre de ça, faut être courageux, cravacher et puis s'accrocher, tout simplement, quoi. Avec tous les moyens que font Sony, par exemple avec le bouton share de la PlayStation 4, tout ça. Est-ce que ça serait pas le Graal, par exemple, de devenir youtubeur connu? Tu vois ce que je veux dire? Le Graal, c'est-à-dire Quelque chose qui n'existe pas, en fait. D'accord, ah oui, une d'accord. Légende, je sais pas comment expliquer, quel bon mot. Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça. Faux espoir. C'est-à-dire que. Puisque tout le monde. Bien sûr, c'est un faux espoir pour beaucoup de gens. Oui, mais ça vaut pour n'importe quoi, pour les youtubeurs. Le problème, c'est que. À partir du moment où il y a quelques success stories, on va commencer à parler de ces gens-là. Ça va éventuellement promouvoir leur situation, etc. Ils sont dans une situation professionnelle particulière, tu vois, comme peuvent l'être des gens qui arrivent à vivre de leur voyage parce qu'ils revendent derrière sous forme de documentaire ou des trucs comme ça. C'est pas la vision du salariat classique, bref. Et beaucoup de gens tendent à être dans un modèle comme ça, quoi. D'une manière générale, je crois qu'on tend tous à essayer de vivre de ce qu'on aime. de vivre de nos passions. Mais là, c'est encore pire parce que, en plus, quand les grands médias généralistes te présentent ça, il y a une notion de facilité qui est totalement tronquée. Il y a une notion d'argent qui est totalement tronquée. Quand TF1 te parle d'un mec comme PewDiePie, ils te font vraiment croire que c'est un mec qui gagne $1 million par jour. En branlant rien, en se levant le matin, en jouant 3 heures et c'est fini. Ça donne une mauvaise image. Voilà, donc ça, en tout cas, ça donne une image tronquée. Et le problème, c'est que plus on va en parler, plus effectivement, tu vas avoir de gens qui vont se dire « putain, je veux faire ça ». Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Plus il y a de gens qui veulent le faire, moins il va y avoir de possibilités de succès. Sachant que la plupart du temps, tous ceux qui ont eu cette chance-là, ont eu justement une chance. Ils l'ont rarement cherché, quoi. Fred Molas, le joueur du grenier, il fait vraiment partie des plus connus parmi les Français, même parmi les francophones. Pourtant, c'est juste deux mecs qui ont commencé à faire ça dans leur coin parce qu'ils se sont rencontrés à une formation de la NPE et qu'ils faisaient des trucs très mal joués. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais ils faisaient ça parce qu'ils avaient rien d'autre à foutre, parce qu'ils étaient au chômage et qu'ils faisaient des films institutionnels pour la fête de la saucisse à côté de Perpignan, et que forcément ils en faisaient pas tous les deux jours, tu vois. Donc ils ont absolument pas cherché le succès. C'est vrai dans tous les domaines de la création, tu trouves rarement le succès en le cherchant, quoi. Voilà. Ce truc là on en parle là par rapport aux youtubeurs, mais c'est exactement la même chose pour tout. C'est exactement la même chose pour les comédiens au cinéma, c'est exactement la même chose pour les stars entre guillemets à la télé. Il y a des gens qui voudraient être des stars de la télé et du coup ils passent dans des télé-réalités dans à des la émissions con, genre, les anges de la télé-réalité. Genre, c'est ma troisième saison des Princes de l'amour, j'ai trop envie d'être une star, enfin voilà, tu vois. Et c'est pareil pour les comédiens, il y en a qui rêve, enfin je veux dire, c'est la désillusion, quoi. Tu seras pas, enfin il y a très peu de gens qui peuvent en arriver là, et s'ils en sont arrivés là, il y a plusieurs raisons. C'est soit ils ont eu énormément de chance, soit ils ont eu énormément de talent et quelqu'un a reconnu ce talent. C'est pas parce que t'as énormément de talent que ça a marché, faut qu'encore que quelqu'un puisse le voir. Soit ils ont couché avec quelqu'un qui est très important. Oui, voilà, un facteur c'est chance. Un facteur chance aussi, il faut coucher avec la bonne personne. Ouais, ou un facteur connaissance, parce que t'es le fils d'eux, t'es machin, t'es un tel. Ouais, et il y a plein de choses, mais voilà, tout le monde ne peut pas y arriver, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, je sais que j'ai souvent, pour en revenir à nos situations, moi, je sais qu'il y a souvent des gens dans les commentaires. Parce qu'il faut savoir quand même que j'ai une petite chaîne YouTube, mais j'essaye de proposer le maximum de qualité, que ce soit la qualité de la prise de vue des vidéos, que ce soit la qualité de la webcam, la qualité du son, la qualité du commentaire, du montage, parce que je suis quand même une formation vidéo, donc je fais quand même un montage assez propre. Et c'est vrai qu'il y a des... En fait, quand on compare certaines de mes vidéos que je sors, moi qui ai genre moins de 2000 abonnés, avec certaines vidéos de personnes qui ont 1 million d'abonnés, c'est la même qualité, on va dire, de la vidéo. Il y a plein de gens qui sont là à me dire « Putain, ça me choque, t'es pas plus d'abonnés et tout. » Je fais « Mais oui, mais c'est comme ça, quoi. C'est YouTube, c'est cruel, mais voilà, je sais très bien. » Et j'y crois pas, moi. Enfin, je me dis pas « Voilà, un jour, wouhou, je vais être connu. » Non, je fais ça pour le plaisir, c'est tout. Et j'ai jamais cru ou quoi. Enfin, je m'en fous, j'ai jamais fait ça pour être connu. Je pense que c'est ça le plus important. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui comprennent pas ça. Et les gens, ils se disent, mais c'est pas normal. Et voilà, je sais pas un peu comment dire, mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est des illusions. Il y a plein de gens qui y croient, qui vont se faire. Faut pas avoir d'attente. Il y en a qui ont dû se casser les dents, qui ont tout perdu. Ah, bah oui, ah oui, bien sûr. J'en tout perdu sûr. Du jour au lendemain, parce qu'ils ont tout misé sur le même cheval. Et au final, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et déjà, le simple fait de pouvoir le faire en passion, c'est déjà super. Hein, quand tu as les moyens techniques, déjà, le fait de participer à des podcasts, de audio, vidéo, de faire des trucs comme ça. Avec les amis du Pixel. Voilà, et tout, qu'on adore, qu'on aime de tout notre cœur. rien que le fait de faire ça, déjà, c'est super. Après, il viendra ce qu'il adviendra. Et puis... Quand on a commencé sur Osmose Radio, moi j'ai atterri là-dedans, gros coup du hasard. J'ai un pote qui m'a demandé d'appeler pour interagir pendant une émission. Ouais. La chroniqueuse avait adoré ma voix, elle m'a dit « viens ». Du coup, on a commencé comme ça. Je ne savais pas parler devant un micro. J'ai fait du théâtre, mais on n'avait pas de micro. Donc voilà, on y prend vite goût. On avait pris vite goût. J'ai vu des personnes qui ont intégré la radio. Et que tout de suite, dès la première émission, ils se sont pris la tête, le gros chou, tu sais, le gros chou, en disant je parle à un micro, je suis une star. Les mecs qui marchaient dans la rue, le cul bien haut, je ne supporte pas ça. Donc tout comme toi qui fait par plaisir oui. tes vidéos YouTube, moi je fais plaisir les émissions de radio. Je comprends, j'ai jamais fait de vidéo, on va dire, sérieuse autour d'un jeu vidéo, j'ai toujours fait des vidéos à la con sur internet. Ouais. L'époque Jackass, tout ça, bon, c'était la plus bonne époque. Ça, et j'ai couché avec un ordinateur aussi, mais ça, j'en parlerai pas. Et donc, quoi qu'il arrive. Port USB. port USB. Quoi qu'il arrive, il faut, quoi qu'il arrive, qu'on fasse tout par plaisir. Parce que si ouais. on commence à avoir des contraintes, on va jamais y arriver, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, que. Tous les grands youtubeurs ont perdu, ils ont perdu le plaisir et qui font ça par contrainte. Ouais. Il y en a qui ont encore le plaisir et je trouve ça beau. Ouais, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, je alors. Pense. Mais c'est au bout d'un moment, ça doit être un peu un, ça va être un peu un dilemme moral quand ça devient ta source de revenus principale. Je pense que là, du coup, ça fait appel à des trucs personnels qui peuvent être un peu compliqués, quoi. Ouais. Et en même temps, on veut pas trop leur reprocher. Enfin. Voilà, moi j'ai de très bons potes qui dans la vie sont commerciaux, leur métier c'est de vendre des trucs. Bah tu peux pas t'empêcher que même si tu le connais très bien, quand il sera en position de te vendre un truc, il va surtout penser que c'est ça qui le nourrit. Ouais. Et que s'il faut qu'il arrondisse un petit peu les angles, même s'il te connaît bien, il arrondira un petit peu les angles, quoi. Voilà. Donc quand à partir du moment où une activité devient une source de revenus importante voire principale, Le point de vue change. Je pense que forcément, ça fait appel à un truc, et je félicite vraiment tous ceux qui arrivent à dealer ça au quotidien, parce que ça doit être compliqué. Hein. ça doit être très difficile à gérer pour soi-même surtout. Vraiment, j'imagine quand on est à un stade où faire semblant de prendre du plaisir sur quelque chose. Quand on est à un stade où tu reçois un mail d'une boîte de com qui est en charge de la campagne du dernier Call of ou d'un truc gros comme ça, et que pour le coup on t'annonce un chiffre. Oui. On te met un cahier de doléances avec nous on met tant. Par contre, il faut citer X fois le nom du jeu, il faut ne citer que des qualités qui sont 2 points, etc. Il faut j'ai moyen d'améliorer considérablement mon niveau de vie avec ça, voire simplement de grailler tout court. Et... Ouais, c'est un truc avec soi-même. Après, je pense que c'est vraiment personnel. Il y en a, ça va pas les déranger du tout. Il y en a, ça va les déranger. Je sais que c'est comme le fait de faire de la publicité partout, enfin que ce soit pour n'importe qui. Moi, je sais que niveau éthique, je déteste faire de la pub sur les chaînes des autres ou partout ailleurs, en fait. Et du coup, c'est pour ça. Et j'en connais qui ont fait commencer en même temps que moi et qui ont grimpé très très vite. Et je sais pourquoi, hein. Et je n'ai pas fait la même chose qu'eux, et j'ai pas envie de faire la même chose qu'eux. J'ai pas envie d'avoir des abonnés juste parce que je suis allé sucer à droite à gauche, quoi. Enfin, désolé du terme, mais. Non, mais malheureusement, c'est ça. Oui, c'est ça. Et il y en a plein qui sont là, ouais, venez voir ma chaîne et tout. Ça m'est arrivé une fois, parce que c'était une fois ou deux, peut-être en plusieurs années, parce que c'était quelque chose de constructif. Oups, pardon, j'ai tapé dans un truc. Parce que c'était quelque chose de constructif, mais c'était pas dans le but de faire une pub, c'était dans le but de dire ah oui, moi aussi j'ai fait ça, mais du coup c'était différent, et du coup, bah, s'il y en a qui s'intéressent, voilà, c'est sur ma chaîne. Mais après, j'étais pas venez voir ma chaîne, lol, MDR. et du coup, il y a coup, plein là, de gens qui avaient apprécié la démarche dans le sens où c'était pas mode putaclic, publicité, et il y avait plein de gens qui étaient venus d'un coup parce que du coup, ils trouvaient que c'était un peu différent d'habitude. Et je sais que alors oui, c'est assez étonnant, mais même pour quelqu'un qui a 2000 abonnés, j'ai déjà reçu des mails de propositions de trucs et tout, dont par exemple un site d'échange de jeux vidéo, quelque chose comme ça. Et moi, je leur avais dit, bah très bien, je veux bien faire une vidéo sur votre site, mais d'abord, je vais le tester, voir si ça fonctionne bien et si c'est cool. Et je l'ai essayé et c'était de la merde. Et du coup, je leur ai dit, bah, je fais pas de vidéo dessus, quoi. C'est de la merde. Donc du coup, voilà, je vais pas. Alors, j'en connais très bien qui ont même un peu plus d'abonnés que moi et tout. Et j'ai vu, ils ont fait des vidéos sur ce site-là. J'ai fait, allez, salaud. Alors que je sais très bien que ce site, c'est vraiment de la merde. Je dis pas le nom parce que voilà, après, c'est pas mon but, c'est pas de les démonter. Mais voilà, ça fonctionnait pas. Enfin, le principe était bien, mais en vrai, c'était pas ça. Et il y a des gens qui se font acheter très facilement, et après des gens qui le feront pas forcément, ou qui le font que dans un certain cadre, c'est-à-dire qu'ils vont dire « Oui, d'accord, moi je veux bien faire une OP sponso, mais bon, après, faut vraiment pouvoir peser dans le game, comme on dit, pour pouvoir faire ça, mais dire « Bon, bah voilà, j'ai le droit d'émettre quand même une critique positive et négative sur la chose, donner mon vrai avis. » Mais voilà, il y a toujours des contraintes des deux côtés. Mais voilà, tout le monde ne peut pas faire ça, et c'est vrai que voilà, il y en a beaucoup qui tombent là-dedans, et c'est un peu dommage, parce que du coup, on ne sait plus trop ce qu'on regarde, enfin, surtout quand c'est des opérations publicitaires déguisées, comme on disait tout à l'heure. Et là, c'est vraiment très très embêtant, quoi. Ouais, tu essaies de garder ta liberté et ton indépendance avant tout, quoi. Oui, bien sûr. Bon, bah messieurs, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais. Alors évidemment, on n'a pas été exhaustif, hein, parce que ce serait très compliqué, c'est un sujet extrêmement vaste. Ouais, je pense qu'on va nous reprocher plein de trucs de ne pas avoir parlé du matériel, tout ça, de, voilà, mais bon, c'est peut-être ah ouais, pas le matériel, ouais, c'est tellement. C'est peut-être pas le meilleur endroit, c'est hyper vaste, hein, le matériel. Il y aura presque un podcast entier à faire sur le choix du matériel, machin et tout. Bref. Pourquoi pas Pourquoi pas, c'est une très bonne idée, tiens. Une petite vidéo à l'occasion. Si ça vous intéresse, on peut s'organiser ça. Une petite vidéo pour le matériel podcast et le matériel vidéo, c'est peut-être un petit échange d'expérience, un petit retour d'expérience. Pourquoi pas. Si on présente plein de matos, ça sera pas du placement de produits déguisés, puisque si tous ce qu'on a, bref. Allez, pour conclure, je voulais vous parler d'un jeu qui est pile poil dans la thématique, qui s'appelle YouTuber's Life. Ah oui. Eh ben écoutez, je suis tombé là-dessus il y a pas longtemps. Je me suis dit, je vais essayer. Voilà, on avait parlé des Sims dans le podcast précédent, et c'est YouTuber's Life, c'est quasiment un Sims un peu light dans un contexte très particulier. Je vous le conseille, YouTuber's Life. Donc on incarne un vidéaste en devenir qui commence littéralement dans la chambre de ses parents, avec des paramètres un peu à la fois confortable, puisqu'on ne paye pas sa nourriture, on tape dans le frigo de maman, et à la fois d'autres paramètres qu'il faut gérer, puisque comme on est chez maman, il faut continuer à aller étudier en même temps, on perd du temps. Voilà. Et il faut quand même acheter ses jeux. Voilà, je trouve ça assez, cool, il faut acheter ses jeux, etc. Et c'est génial, la progression se fait par palier, on change d'appart à chaque fois, et donc un petit peu de niveau de vie. Ça va beaucoup plus vite que dans la plage, vraie vie. Et de plage, etc. Ouais, putain, c'est clair. Un million d'abonnés au bout d'une semaine. T'as fait 4 vidéos et tout, voilà. Non, c'est assez cool, au bout d'un moment, on commence à embaucher des gens pour faire des vidéos en plus et tout, et... Il y a tout un aspect social qui est géré. Tu vas dans des soirées pour rencontrer d'autres gens, pour te faire des relations, pour voilà. C'est soirées YouTubeurs. C'est vraiment, vraiment, vraiment marrant à essayer. Je trouve que ça devient un peu compliqué. Par contre, au bout d'un moment, moi, j'étais coincé dans une spirale au deuxième, troisième appart là, qui est vraiment un truc genre le bel appart, tu sais, le loft, un truc sur deux niveaux, à Paris, un truc un petit peu luxueux, voilà. Mais j'avais réussi à aller là, en fait c'est pas compliqué, j'avais réussi à aller là parce qu'il faut suivre la logique du jeu, ce qui fait qu'au bout d'un moment t'embauches quelqu'un pour réussir à tenir le rythme des vidéos, tout ça. Et au bout d'un moment cette personne s'est barrée, a été débauchée par mon ancien colocataire à qui j'avais pas filé le poste, un truc comme ça. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'étais en flux tendu de fric en permanence. je pouvais plus évoluer en fait. Si j'étais obligé de faire un maximum de vidéos, le problème c'est que t'es quand même obligé de te reposer, de bouffer, de machin et tout, de faire le social, tout ça. Enfin bref, c'est assez marrant. En plus, il y a plein de. Toutes les consoles sont parodiées. Parce que tu peux acheter plein de consoles au fur et à mesure de leur sortie. Tu peux aller faire des événements, des constructeurs et tout. Enfin bref, voilà. Donc c'est pas pour faire de la pub. Si, c'est pour faire de la pub pour le jeu, même s'ils nous ont pas payé, hein, je vous rassure tout de suite. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Et en plus, ça tombait pile poil dans la thématique de l'émission. Ah bah là, c'est clair. Hein. Disponible sur Steam, j'imagine. YouTuber's Life, dispo sur Steam. Me demandez pas combien ça coûte, je me souviens plus, ça va être une vingtaine d'euros je pense, 25 euros pas plus, c'est pas un truc très cher non plus. Ça il y a les soldes, ça reste d'ici... mignon et c'est très marrant. Ouais, faut le mettre dans sa faut le mettre dans sa wishlist d'ici 15 Steam jours pour, non, peut-être pour un mois, les un mois les soldes je crois, dans un mois, enfin, ouais un petit peu plus hein, quand même. Ouais, c'est fin juin, quelque chose comme ça. Ça va être encore très compliqué pour le portefeuille. Et en parlant de portefeuille, pour la prochaine émission, on essaiera de vous parler de la nostalgie et de son impact sur le portefeuille des joueurs. Aujourd'hui, on va essayer d'inviter. Donc, si vous êtes nostalgique et que vous achetez tous les remakes systématiquement et que vous faites avoir par. Par tous les gens qui vous vendent ça, eh bien on peut voilà. Et déjà Confession de HD édition. Ah mon dieu. Et la flambée des prix moi du aussi. Rétro gaming. Resident Evil HD collection. Allez. Donc voilà, prochaine émission, la nostalgie et portefeuille. Je trouvais ça marrant comme nom d'émission aussi. C'est bien trouvé. C'est bien donc trouvé. Voilà, j'en profite pour faire un petit appel à témoins aussi en même temps, parce que pour l'instant j'ai un nostalgique sous le coude. Mais ça serait bien si on était plusieurs à partager ça comme un petit cercle comment dire, bonjour, je m'appelle Roméo, je claque tout mon fric, bonjour Roméo. Je mets dans des vide-greniers, voilà. Et après je compense en faisant des vidéos. J'ai 2700 jeux chez moi, je n'ai plus de place ni d'argent, faites un don. Bref, donc on vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, on vous remercie d'être resté jusqu'au bout de celui-ci qui fait un petit peu plus de 2 heures, hein, l'air de rien, ouais. Voilà. Ça le fait quand même. On remercie surtout Thierry et Roméo d'avoir répondu à l'appel, d'être venus nous parler merci à vous, de leurs expériences. Ouais, merci à toi pour son retour devant le micro. Mais de rien. Merci. Voilà. Tu m'as manqué, micro. Tu n'as pas fait d'accent aujourd'hui, je suis très content. Il a fait juste une fois. Oh putain, Nico, il n'a pas fait d'accent. Si. Putain, je comprends pas, c'est tout naturel chez moi. Bah maintenant, c'est deux. Donc... tu mets un timer, tu sais. Mais non, mais pour une fois quand même. Hein. Allez, merci à tous, on vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour un prochain podcast. Et d'ici là, jouez bien. À plus. Ciao, ciao, bande de gens.